rentrée. Non, non, je veux pas y aller. Papa. C'est ça. Ouais. Là, le réveil s'est réveillé pour certains depuis quelques minutes. Oh non, je veux pas y aller. Encore 10 minutes, je dors 10 minutes. Après, je me lève. Quoique, c'est peut-être le seul jour où tu veux y aller. Parce que c'est la pré-rentrée, quoi. Tu reçois un cahier de texte, tu dis bonjour et tu te casses, quoi. Ouais, c'est vrai. Encore. Tu montes tes nouveaux habits. Voilà. Tu sors ton nouveau sac. Bon, à la limite, je vais qu'à celui-là et après je viens. Ouais, c'est vrai. Voilà. Le premier jour, il peut être kiffant, jour de rentrée. On va parler de ça et plein de choses ce matin. Bonjour tout le monde, c'est jeudi, c'est le 1er septembre. Vous avez choisi Fun Radio, c'est votre réflexe pour cette rentrée et pour toute l'année. L'équipe de Bruno dans la radio arrive chez vous, là, juste après les news. Fun Radio, le son Dance Floor. Et là, vous vous dites, les infos, c'est qui? Maxime Poulaouec. Poulaouec. C'est Maxime Poulaouec. Poulaouec. Bonjour Maxime. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Ah, je sens que les infos aujourd'hui vont être un peu comme hier. Bah, j'espère qu'elles vont être bonnes en tout cas. On a besoin de bonnes nouvelles aujourd'hui. Allez, la météo. Oui, du beau temps partout pour cette rentrée scolaire. Il fera très beau notamment ce matin si vous êtes au nord du pays. Les températures au lever du jour, 15 à 20 degrés. Dans l'après-midi, comptez 18 à Cherbourg, 23 à Lille, 24 à Biarritz, 27 à Paris ou encore 31 à Perpignan. Fini les grasses matinées, l'heure de la rentrée scolaire a sonné. 12 millions d'élèves font leur retour sur les bancs de l'école aujourd'hui. Une rentrée marquée par la mise en place des réformes éducatives du quinquennat à 8 mois de la présidentielle. Les 64 000 établissements scolaires sont placés sous une vigilance renforcée face à la menace terroriste. Un mois d'août sanglant à Marseille, un homme de 40 ans a été abattu hier soir dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne de plusieurs balles. C'est le 4e homicide dans les Bouches-du-Rhône depuis le début du mois. De la cocaïne au milieu des sodas, 370 kilos de drogue ont été découverts par des employés vendredi dernier dans un conteneur du gin Coca-Cola dans le Var. Cela représente 50 millions d'euros sur le marché. La marchandise a voyagé depuis le Costa Rica en passant sans encombre les douanes. La police judiciaire enquête pour retrouver le destinataire. Le football, les Bleus sont de retour sur les terrains pour le premier match depuis l'Euro. Un match amical ce soir à Bari contre l'Italie. Coup d'envoi à 21h. La France prépare les qualifications au Mondial 2018 qui débuteront mardi prochain en Biélorussie. Côté transfert, le mercato a pris fin à minuit. L'italien Mario Balotelli a signé à Nice gratuitement alors que David Luiz a quitté le PSG pour Chelsea. Il est 6h02, vous êtes sur Fun Radio. C'est parti, c'est Bruno dans la radio. Jeudi, c'est le 1er septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 6h02. Bonjour! Oui, c'est le mois de septembre, et alors? Faisons en sorte que ce mois de septembre soit signe de soleil, soit signe de Brésil! On va vous la faire bouger cette rentrée, la France qui se réveille avec Fun Radio. Je m'appelle Bruno Guillon, vous êtes peut-être pour la première fois sur Fun Radio ce matin en vous disant allez hop, rentrée, nouvelle rentrée, je vais tenter quelque chose. Fun Radio c'est quoi? C'est le son qui te réveille. I'm gonna ride Fun Radio le matin, tu n'auras jamais de c'est pas très gai le réveil quand ça sonne la radio. Tu auras toujours du son qui bouge. Major Lazer dans la demi-heure, le nouveau Major Lazer. Cold Water avec Justin Bieber. Tu écoutes Fun Radio le matin, tu retrouveras des amis qui seront présents quoi qu'il arrive et qui vont t'accompagner au collège, au lycée, à l'école, à la fac et même pour la rentrée au bureau. Quand tu auras la boule au ventre pour partir bosser, il y aura toujours ta meilleure amie qui sera là pour te conseiller. Et cette meilleure amie, c'est Christina. Bonjour à tous, bon courage. Aujourd'hui, c'est particulier. Pourquoi ? Parce que c'est stressant le jour de la rentrée. Ça va, nous rentrer. Non, mais nous, non. Mais quand toi, tu rentres à l'école, il y en a plein qui vont rentrer à l'école pour la première fois un établissement qu'ils connaissent pas. En flippant, en se disant, ça se trouve, je vais avoir des gros relous qui vont faire des mauvaises vannes, alors que en écoutant Fun Radio, tu auras la certitude d'avoir ton bon pote qui a toujours la bonne vanne. Et ce bon pote, il s'appelle Vacher. Bien sûr, par contre, tu vas redoubler, hein, je suis désolé. Mais on va bien se marrer quand même. En arrivant à l'école, au lycée, en fac, au bureau, tu auras toujours l'angoisse d'être ridicule par rapport à quelqu'un, d'être peut-être un peu moins beau, un peu moins habillé. Bien, en écoutant Fun Radio, tu sais que quoi qu'il arrive, avant toi, il y aura Elliot. Bonjour, oui, je suis un peu le lourd dans la classe qui n'a jamais de copie double et qui les demande à tout le monde. C'est moi. Bonjour. Ouais, mais t'es de chouchou quand même. Bon, il y a du cadeau à vous offrir ce matin. Je peux vous dire qu'on vous a prévu une journée de ouf jusqu'à 9h15, une matinée de dingue en tout cas. Déjà, toutes les minutes, on va vous balancer quand vous arrivez à l'antenne, sur les réseaux sociaux, etc. On va vous choisir l'agenda Fun Radio, qui est juste extraordinaire. C'est l'agenda de l'année, d'accord, vous allez pouvoir amener au lycée, au collège. C'est l'agenda Fun Radio, c'est l'agenda Dance Floor. Yeah. À la différence d'un autre agenda, un agenda normal, tu l'ouvres pour marquer tes cours de maths, etc. Quand tu l'ouvres, il est... L'agenda Fun Radio, tu l'ouvres. Why don't you give me your love? Et comme ça, tu vois ce que je veux dire. T'es content de marquer tes devoirs dedans. Exactement. Bon, je sais ce que c'est. La rentrée scolaire, c'est pas facile. Même si le premier jour est beaucoup plus évident. Mais par exemple, tu t'es peut-être couché hier soir avec la boule au ventre. Oui. Quand tu fais ta rentrée scolaire. C'est vrai. Quand tu fais forcément. Ta rentrée scolaire, t'es pas super fier. T'as peut-être préparé tes affaires aussi pour ce matin. Ouais. T'as fait un dress code en disant tiens. Et d'ailleurs, il y a que le jour de la rentrée que t'amènes tes chaussures blanches toutes neuves. Elles n'ont aucune trace pour l'instant. Tu sais que dès demain, il y a un connard qui va dire baptisé et qui va te mettre un coup de pied dessus. Mais pour l'instant, elles sont blanches, elles sont belles. Tu sais que c'est la rentrée scolaire quand ta mère te réveille une heure plus tôt que les autres jours de l'année en général. Et tu sais que c'est la rentrée quand tu prends le temps de prendre un petit déj. C'est parce vrai, que tu te lèves tôt du coup. Ouais, parce que t'es dans les bonnes résolutions du premier jour de la rentrée. Et tu sais que c'est la rentrée quand c'est la première fois que tu vas te laver en deux mois. C'est vrai. Correctement. C'est vrai. Parce que quand même, non, attends, avouez que quand t'es ado, tu te laves pas une seule seconde en vacances. Ça dépend. Vous savez quoi ? On va lancer tout de suite le hashtag tu sais que c'est la rentrée quand ? Et comme ça, vous complétez et on va s'en servir jusqu'à 9h15 ce matin, d'accord ? Hashtag tu sais que c'est la rentrée quand ? Et on va en faire plein tout au long de la matinée. Il y a Karina du JPI qui vient de tweeter. Tu sais que c'est la rentrée quand tu entends le mot intercalaire. Oui, c'est vrai. Ah, mais tellement. Papier millimétré. Allez, comme chaque matin, l'émission appartient à un auditeur de Fun Radio. Et ce matin, c'est Réo Hugo. C'est son pseudo sur Twitter. Il s'appelle Hugo, il habite à Lyon. Applaudissements pour Hugo. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Salut. Et 16 ans, Lyonnais, tu fais ta rentrée aujourd'hui, poteau? Ouais, c'est ça, ouais. Tu rentres en quoi? Je rentre en première, là. Première, laquelle? Première STMG. Ok. Ça va, t'es motivé? Bah, à fond, toujours. Bon, alors Hugo, il y a une particularité, et je le dis pour ceux qui arrivent ce matin sur Fun Radio, c'est que tout au long de l'année, le premier auditeur du jour, il peut poser une question à quelqu'un de l'équipe. Et la personne de l'équipe est obligée de répondre. La question que je te pose, c'est à qui veux-tu poser une question, Hugo? Alors, j'aimerais poser une question à toi ce matin. Eh bien, je t'écoute, Hugo. Alors, la question, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais te cueillir à froid, j'ai envie de dire. On y va. Alors, je voulais savoir, Bruno, quelle était ta matière préférée quand tu étais au collège, au lycée? Bon, tu peux me répondre, le dessin, ça ne me dérangera pas. Eh bien, figure-toi que non. C'était, et je vais te dire un mot qui ne te parlera pas, Hugo, car tu as 16 ans et que j'en ai 45. C'était les sciences naturelles. Ce que tu appelles, toi, aujourd'hui, les SVT, sciences de la vie et de la terre. J'aimais beaucoup ça. Ah, d'accord. Voilà, j'ai même pas de vanne. Ah ouais. J'ai même pas de vanne. Je voulais être prof de sciences naturelles. C'est et vrai? Donc, ouais, c'était mon kiff, c'était mon délire. Étais-tu ce qu'on appelait un lèche-cul, Bruno? Non? Tu étais le lèche-cul, celui qui se mettait au premier rang? Disons que je foutais le bordel dans la classe, mais du premier rang. Donc, du coup, je me faisais pas engueuler. Pas mal. C'était une technique. Bravo. Ça répond à ta question, mon Hugo? Bah ouais, carrément. Bon courage pour ta rentrée, mon pote. Eh ben, merci beaucoup. Et tu sais, Bruno, à la rentrée, on a tous un pote. Tu sais qu'on va passer une bonne rentrée avec lui. Tu sais qu'on va rigoler tout au long de l'année. Et moi, je vais faire une petite dédicace à Yanis. Parce que il m'écoute. On l'embrasse. Et je sais que je vais passer une bonne année avec lui. Eh ben, écoute, c'est gentil pour lui. On t'embrasse, mon pote. On est sur la brèche. C'est la rentrée sur Fun Radio. Et regardez. C'est-à-dire que l'émission a à peine débuté qu'on a déjà une alerte people. Ça peut tomber n'importe quand. C'est une breaking news d'Actu People. Elle concerne les Black Eyed Peas. Je vous l'avais annoncé en début de semaine, les Black Eyed Peas sont de retour avec un nouveau single. Alors, on va dire plutôt une reprise de leur célèbre titre Where is the Love. C'était en 2003. Alors ça s'appelle Where's the Love. Ouais. Et ils ont invité plein de potes dessus. Il y a Usher, Mary J. Blige, Didi, Jamie Foxx, Nicole Scherzinger, Jaden Smith et bien sûr Justin Timberlake. Et ben vous savez quoi, on va attaquer l'émission avec ça. On en a parlé lundi, du nouveau qui n'est pas vraiment nouveau. C'est une reprise. Ouais, des Black Eyed Peas. Et ben c'est Where's the Love sur Fun Radio. People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you preaching? Would you turn me other cheek again? Mama, mama, mama, tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, father, father, help us. Send some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Where's the love? Yeah, what's going on with the world, mama? Where's the love? Yeah, people living like they ain't got no mama. Where's the love? I think they're all distracted by the drama and attracted to the trauma, mama. Where's the love? I think they don't understand the concept or the meaning of karma. Where's the love? Overseas, yeah, they're trying to stop terrorism. Where's the love? Over here on the streets, the police shoot the people, put the bullets in them. Where's the love? But if you only got love for your own race, where's the love? Then you're gonna leave space for others to discriminate. Where's the love? And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Man, this is what you demonstrate. And that's exactly how hate works and operates. Man, we gotta set it straight. Take control of your mind, just meditate. And let your soul just gravitate to the love so the whole world celebrate it. People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you preach? Mama, mama, mama, tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, father, father, help us. Send some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Where's the love? It just ain't the same, always a change. Where's the love? Strange, is the world insane? Where's the love? Nation dropping bombs, killing our little ones. Where's the love? Ongoing suffering as the youth die young. Where's the love when a child gets murdered or a cop gets knocked down? Black lives not now, everybody matter to me. All races, you don't like what I'm saying? Haterade, tall cases, everybody hates somebody. Guess we all racist. Black Eyed Peas do a song about love and y'all hate this. All these protests with different color faces. We was all born with a heart, why we gotta chase it? And every time I look around, every time I look up, every time I look down, no one's on the common ground. Where's the love? And if you never speak truth, then you never know what love sounds. Where's the love? And if you never know love, then you never know God. Where's the love? Where's the love, y'all? I don't know. Where's the truth, y'all? I don't know. People killing, people dying. Children hurting, hear them crying. Could you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, father, father, help us. Send some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Nouveau Black Eyed Peas, Where's the Love sur Fun Radio. I'm gonna rock yours down the brown and the blue. Hashtag, tu sais que c'est la rentrée quand? On a lancé ça ce matin, il y en a plein là qui arrivent sur Twitter. Il y a Romain qui dit, tu sais que c'est la rentrée quand? T'as le relou qui bosse, qui dit, alors, c'est la rentrée? Bah, forcément, je suis dedans, merci. Tu sais que c'est la rentrée quand tu vois le matériel scolaire arriver partout, dans les magasins, sur les affiches publicitaires. Cela dit, c'est Julia qui met ça sur Twitter. Le matériel scolaire, maintenant, il le balance dans les magasins début juillet. Ouais. Déjà. Oui. C'est-à-dire que, ouais. C'est hyper angoissant. T'arrives en vacances dans l'île de Léron, tu vas au supermarché du coin, tu rentres, il y a des cartables. Ouais. Bah, et dans ces cas-là, les gars, au mois de septembre, mettez des maillots de bain et des planches quoi, de surf pour détendre un peu tout le monde. Il y a Sarah qui dit, tu sais que c'est la rentrée quand ton réveil vient de sonner. C'est ouais. horrible. C'est vrai que t'avais un peu oublié de l'éteindre. T'as oublié de le mettre en fait, surtout et durant surtout, deux mois. Surtout, tu sais que c'est la rentrée quand il fait encore nuit. Et ouais. que tu te lèves, puisque tu t'es levé à midi tout l'été, quoi. Tu te lèves avant le soleil cette fois, et c'est lui qui te regarde et qui fait ah, connard. Ah, et il y a Stéphane qui vient de tweeter également, c'est rigolo, parce qu'on a lancé le hashtag tu sais que c'est la rentrée quand, et lui met tu sais que c'est la rentrée quand t'écoutes, et il cite une autre radio le matin des 6h. Il y a Karina sur Twitter qui dit tu sais que c'est la rentrée quand on te demande de couper un quart de feuille pour écrire ton adresse, la profession de tes parents. Et ce que tu fais dans la vie, mais tu vois, c'est pas la CIA les profs quoi. Pourquoi ils te demandent ça à chaque fois? Ouais, et même tu mets ton prénom des fois sur un petit papier quand tu mets devant toi. Et souvent tu fais des blagues, genre tu marques Jean-Claude et tu fais. Et il y a Manu qui dit, tu sais que c'est la rentrée quand ton agenda n'est pas encore tagué de petits mots à toutes les pages. Ah mais bien sûr. Ouais. C'est vrai. Agenda qu'on vous offre, hein, agenda Fun Radio. Là, on en balance toutes les minutes par ceux qui passent par le standard au 32-28 notamment. Tiens, puisqu'on parle de standard, on joue. Elle est niçoise, Laurie. Elle est en première L à partir d'aujourd'hui. Là, elle rentre à 13h. Elle a 17 ans. Applaudissements pour Laurie. Salut Bruno, salut la famille. Salut. Salut Laurie. Bon, comment tu te sens? T'es déjà debout pour oui, une rentrée? Enfin, mon taquet pour la rentrée. Putain, mais debout à 6h15, tu rentres à 13h. T'es malade? Oui. T'es tellement excitée à l'idée de reprendre les cours ce matin? Oui, mais je vais pouvoir revoir toutes mes copines. Ah, bah oui, forcément. Ça, c'est cool. Est-ce que t'as pécho un peu cet été? Parce que ça fait partie des premières discussions qu'on a quand on reprend au lycée. Ouais. Et ben voilà. Enfin, ça dépend, t'as juste flirté ou t'es allé plus loin, c'est-à-dire que t'as roulé des pelles. Bon, Laurie, ma chérie, tiens, t'es Lolotte 1810 sur Snapchat, si vous voulez aller suivre Laurie. Faudra qu'on se mette à suivre sur Snap les auditeurs qui viennent nous rejoindre à l'antenne avec nos Snap perso. Bah oui, faut qu'on fasse ça au bout d'un moment, tu vois, pour vivre un peu la vie de nos auditeurs. Laurie, en arrivant en direct sur Fun Radio, et c'est le principe du tout ou gagné, tout ou perdu, tu viens de gagner un hoverboard, d'accord? Tu as gagné un PC portable. Tu as gagné l'enceinte JBL Pulse 2, enceinte Bluetooth qui défonce tout, et le nouvel album de DJ Snake qui s'appelle encore, et qui est l'événement Fun Radio de ce début d'année, d'accord? Ok. Le truc, c'est que pour garder ces quatre cadeaux, ma chérie, il va falloir répondre correctement à quatre questions que je vais poser. Chaque mauvaise réponse entraînera la perte d'un cadeau. Est-ce que t'es prête? Oui. Eh ben, top chrono, c'est parti. En langage SMS, les Thaïlandais n'écrivent pas LOL ou MDR, ou plutôt, ils n'écrivent pas LOL ou MDR. Ah, dommage, pourquoi? Ils rigolent pas ou quoi? Parce que quand t'es en Thaïlande, t'écris 5, 5, 5, 5, 5. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh, je pense que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah bon? Ouais, parce que là-bas, le chiffre 5 se prononce A. Nom d'un sapot pendu. C'est une nouvelle exceptionnelle. Et donc, quand tu veux faire tu fais tang, tang, tang, tang, tang. Ah, d'accord. D'accord. Tu gardes tous tes cadeaux. Deuxième question. Jusqu'à la fin du 19e siècle, chaque village français avait son propre horaire. C'est-à-dire que là, tu vois, on est dans le village de Paris, 6h17. Mets-toi dans ton village de Nice, il aurait pu être 4h22. Dans un village tel que Limoges, bah, ils n'avaient pas l'heure encore. Enfin bon, voilà, tu vois, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je pense que c'est vrai. Hein. Et c'est vrai. Il n'y a que depuis 1891 que l'heure officielle est celle de Paris, les amis. Ça devait être une galère. T'imagines les animateurs de radio, surtout au début de 1800 et quelques, quoi, il va être galéré. Tu crois qu'il y avait Je sais pas, t'habitais à Limoges, t'allais à Poitiers, tu faisais putain, je suis totalement jet lag, il y a 6 heures de décalage. Quoi. Bon, hé, hey, Laurie, pour l'instant, t'as tous tes cadeaux, ça part bien. Troisième question. Lors d'un orage, l'épaisseur d'un éclair est en moyenne de 3 mètres. Il y a un gars qui s'est fait foudroyer en essayant de mesurer. Ça me paraît énorme, mais... Ouais, je dirais vrai. Ah, c'est l'overboard qui disparaît. Non, l'épaisseur d'un éclair, c'est 3 cm. Ah, en fait, beaucoup de bruit pour 3... Je me disais que ça paraissait énorme pour un nuage. Tout ce bruit pour 3 cm, on dirait Elliot, tu sais, avec sa grande gueule, en fait, tout ça pour 3 cm. C'est ce qu'on nous a dit. Tu joues pour le portable Asus, pour l'enceinte et pour l'album de DJ Snake. Dernière question. Chaque année, en cumulant tout l'argent égaré. Tu sais, comme les pièces que tu perds dans les canapés ou ce billet que tu fais tomber dans la rue, ça arrive rarement, mais ça peut arriver de perdre un billet de 5 euros, tu sais, que tu as mis en boule dans ton portefeuille, etc. Ouais. Eh bien, les Français égarent en moyenne 92 millions d'euros. C'est cette petite pièce de 2 centimes, tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est 2 centimes. Ouais. Si on récupérait toute cette thune qu'on perd tous sur un an, eh bien, on aurait 92 millions d'euros. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je pense que c'est vrai. Et c'est vrai. Oh, c'est horrible. Oui. Et tu sais quoi maintenant? Et moi, je vais me baisser pour ramasser toutes les pièces qui te font. Rien à foutre. Bon, alors, l'overboard, t'avais compris, il reste chez nous. Par contre, tu gagnes le portable, l'enceinte, l'album, ça s'applaudit. Ouais. Elle attaque merci plutôt beaucoup. Pas mal, cette chérie, ma chérie. Cette journée. Et, mais cette chérie, c'est Laurie. Elle attaque pas mal cette journée, cette chérie, Laurie. Voilà, je te fais des bisous. Super, merci beaucoup à tous. On t'envoie tous ces cadeaux chez toi, ma belle. Merci beaucoup. Et avec quelle radio tu vas être réveillée toute l'année, Laurie? Moi, je dirais Bruno à la radio. Eh bah, ben, tu sais quoi, c'est une bonne réponse. C'est Fun Radio et Cous. I'm gonna rock your back, take it next floor. Gonna rock your back, don't you didn't know. I'm gonna rock your back, take it next floor. Gonna rock your back, don't you know. Avec Bieber, Justin Bieber, Major Lazer. Nouvel extrait de l'album de Major Lazer avec Fun Radio. Ça s'appelle Cold Water, ça arrive. Bruno sur Fun Radio. C'est la rentrée. Ouh, j'ai trop content. Bruno vous réveille. Ouah, c'est trop bien. On assure. 6h-9h sur Fun Radio. Et on assure, les auditeurs de Fun Radio assurent. Nous avons lancé le hashtag « Tu sais que c'est la rentrée quand ?» à 6h du matin. en à peine un quart d'heure. C'est Top Tweet France en numéro 1. C'est le sujet dont on parle le plus sur la planète Twitter en France et donc sur Fun Radio ce matin, puisque c'est un petit peu nous qui avons lancé ce sujet. On vous a dit là d'appeler le 3228 aussi hein, pour nous balancer des petites vannes par rapport à ça. Hashtag, tu sais que c'est la rentrée quand ? Il y en a plein sur les réseaux sociaux, Christina. Quelques-uns, ma chérie. Alors, je vous les lis tout de suite. Tu sais que c'est la rentrée quand tu réapprends à attendre le bus dans le froid. Ça, ouais, c'est chaud. Voilà, bah aujourd'hui ce sera pas le cas. Non, aujourd'hui, ça va à peu près. Aujourd'hui c'est la tannée parce que tu vas partir au lycée, tu vas partir au collège avec les températures que t'avais cet été en allant à la plage hein, quand même, ou vrai. À la piscine, vraiment. Il y a Mickaël qui dit tu sais que c'est la rentrée quand il ne manque absolument rien dans ta trousse, ça c'est vrai. Il y a Mickaël aussi, un autre Vernex, qui dit tu sais que c'est la rentrée quand tes parents te disent d'aller te coucher tôt pour reprendre le rythme. Ouais. Il y a Royer d'Ariane qui dit tu sais que c'est la rentrée quand tu n'as plus le droit de regarder la TV le soir. Ouais, c'est vrai. Il y a Anthony qui dit tu sais que c'est la rentrée quand tu vois le hashtag tu sais que c'est la rentrée quand sur Twitter. C'est vrai. Célia Bourges, bonjour Célia. Salut. Coucou. Oh là là, la voix de la rentrée, Célia. Tu rentres en cours aujourd'hui ou pas? Ouais, 8h. Et alors j'allais dire, tu sais en quel cours t'attaques? Non, tu rentres au lycée, tu rentres en quelle classe? Jour 2, ma seconde en section sport. Oh là, j'ai foutu la merde. Quand on est en redoublement, on n'a pas trop envie de le lire. Ouais. Hashtag, tu sais que c'est la rentrée quand, je t'écoute. Tu sais que c'est la rentrée quand tu dois te lever à l'heure où tu te couches, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, vous c'est êtes nombreux ça. Dans ce cas-là. C'est que nous, on a réattaqué la rentrée là, sur Fun Radio, c'était lundi. Mon réveil a sonné à 3h30, c'est l'heure à laquelle je me suis couché tout l'été. Bah ouais, mais même moi qui passais en bagnole devant des boîtes de nuit, t'avais des gars qui sortaient de boîte en mode fin de soirée. Et toi, t'es en mode rentrée, genre arrêté. Enfin, ouais, l'alcool, c'est mal. Bon, Célia, bon courage pour ta rentrée, ma belle. Tu la passes avec Fun Radio, hein, tu me fais plaisir. Ouais, je peux faire une dédicace? Vas-y, ma chérie. Je fais gros bisous à tout le lycée Jacques Coeur de Bourges. Et à mon chéri Benjamin aussi. Ah, c'était ton chéri de lycée ou de l'été ou ton chéri de lycée de l'année dernière? Ah d'accord, ok. Donc il n'y a pas de délire de je change de dos. On t'embrasse Célia. Il y a Manu qui est à Rennes. Salut Manu. Salut Bruno, salut la famille. Salut mon pote, je t'écoute. Alors tu sais que c'est la rentrée quand tu te remets à attendre le week-end avec impatience. Ouais, c'est vrai. Cela dit, ça va, aujourd'hui la rentrée, ils vous la font un jeudi. Ouais, c'est cool. Oui, durant c'est le ça, jeudi, ouais. C'est pas vraiment un jour d'école. Ouais, demain c'est ça, vendredi, ouais. C'est le week-end samedi, ça va. On t'embrasse Manu. Il y a Romain, il est à Vichy. Salut Romain. Salut Bruno, salut la famille. Coucou. Salut. Je t'écoute Romain. Alors, merde, j'ai déjà perdu le hashtag, fais chier. Tu sais que c'est la rentrée quand? Merci. Tu sais que c'est la rentrée quand t'as le bon vieux relou qui te dit, alors, c'est la rentrée? Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a attaqué avec ça à 6h du matin, avec ce tweet là. Il y en a plein d'autres qui arrivent. On t'embrasse. Il y a Bastien qui dit, tu sais que c'est la rentrée quand on te dit, on mange quoi à midi à la cantine? Oh, ah, c'est le retour de la cantine. Et encore, c'est les restes quand même de l'avant-été. Hein. Ouais, c'est le flan qu'on nous avait servi déjà en juin. Hein. Non, normalement, là, ça va, t'es sur du naturel, bon. Tu sais que c'est la rentrée quand tu mets beaucoup d'alarmes pour le lendemain. Ouais, ça y est, c'est fini. L'iPhone va vous servir de réveil et plus que de Facebook, de Snapchat ou de Twitter. Ouais. Hashtag, tu sais que c'est la rentrée quand? Vous jouez avec et on balance vos messages à l'antenne ce matin sur Fun Radio. Il y a le chiffre du jour qui va arriver là, Justin Bieber, c'est le nouveau Major Lazer sur Fun Radio. Hey, it's Major Lazer with Bruno on Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. On your own. And if you feel you're sick. Classe, nouveau Major Lazer avec Justin Bieber à l'instant sur Fun Radio. Il y a le chiffre du jour, ça arrive là dans quelques secondes. Et que vous fassiez votre rentrée, ou que vous bossiez, ou vous restiez chez vous aujourd'hui, vous avez tous un crayon quelque part, pas loin de vous. Eh bien sachez qu'aujourd'hui, spécialement, ce crayon va servir en moyenne 11 fois à faire quelque chose. En plus qu'écrire. À jouer de la batterie. C'est vrai qu'on peut jouer de la batterie avec un crayon. Bien sûr. C'est vrai que c'est pas énervant, c'est quand t'es dans une salle et que t'as un mec qui est comme ça. Avec un crayon, t'as envie de lui casser la gueule. C'est pas la réponse que j'attends, mais vous avez peut-être la bonne. On file des agendas Fun Radio là aujourd'hui, vu que c'est jour de rentrée. Chiffre du jour, ça va arriver après les infos, et puis on aura Quentin au téléphone dans moins d'un quart d'heure. Il est à Lingueux, c'est dans le 22, département des Côtes d'Armor là, qui se réveille avec avec Fun Radio. Il est un peu en stress, il rentre en seconde aujourd'hui. On l'aura au téléphone là dans moins d'un quart d'heure. Fun Radio, le son Fla. On me dit qu'on était assez content du lancement de Maxime Poulaouek tout à l'heure, et on me propose de refaire les mêmes. Allez. Donc moi je suis assez d'accord. Les infos ce matin, c'est avec Maxime Poulaouek. Maxime Poulaouek. Poula, poula, Poulaouek. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien, ça sonne bien en tout cas. Eh ben, ça a été fait pour toi, mec. Oh, merci. Ouais, avant même que tu sois né en Roumanie, on savait que tu serais là ce matin. On y va avec la météo de ce jeudi. Et alors, c'est la tannée. C'est la tannée parce qu'aujourd'hui il fait beau. Une vraie rentrée, c'est quand il pleut. Ouais. Oh ouais, mais c'est mieux quand il fait beau. Ouais, non, ça te fait chier quand même. Parce que cette journée-là, t'aurais aimé la passer à la plage ou à la piscine. Ouais, du beau temps partout. Mais alors, exclusivement partout. 15 à 20 degrés ce matin et des températures encore très estivales dans l'après-midi. 22 à Quimper, 23 à Lille, 27 à Paris, 30 à Lyon et Limoges ou encore à Bordeaux, 31 à Perpignan. Ça y est, cette fois, c'est donc l'heure. C'est la rentrée scolaire pour 12 millions d'élèves de maternelle, primaire, collège et lycée. Un total de 64 000 établissements placés sous une vigilance renforcée face à la menace terroriste. Une bonne partie des réformes éducatives du quinquennat entrent en vigueur à cette rentrée à 8 mois de la présidentielle. 4 assassinats par balle au mois d'août dans les Bouches-du-Rhône. Le dernier date d'hier soir. Un homme de 40 ans a été abattu dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne. Depuis le début de l'année, 22 personnes ont perdu la vie dans un règlement de compte dans le département. Une première depuis plus de 50 ans. Le premier vol régulier a eu lieu hier entre les États-Unis et Cuba sur l'île caribéenne. La passerelle marque une nouvelle étape importante dans le rapprochement entre les deux anciens ennemis de la guerre froide. Le foot, premier match post-euro pour l'équipe de France de Didier Deschamps. Les Bleus affrontent l'Italie ce soir à Bari à 21h. Un match amical pour préparer les éliminatoires du Mondial 2018 qui commenceront le 6 septembre en Biélorussie. Et puis le Mercato, la Ligue 1 gagne une star. L'Italien Mario Balotelli s'est engagé à Nice sous la forme d'un transfert gratuit. 6h33 sur Fun. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Il a la classe. 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. Bonjour la famille, jeudi, c'est le 1er septembre, bon courage là, vous avez allumé Fun Radio pour vous réveiller, bon on est là, on est dans la place. Prisca, Bruni William, pour vous tirer du lit là ce matin, pour attaquer cette journée de rentrée, peut-être pour vous, c'est Paris. Le nouveau Sigala, Give Me Your Love, et puis la bonne nouvelle de la rentrée, c'est quoi? C'est que Nicolas le pervers est de retour. Je suis un chien, j'ai chaud, je suis un chien. Ouais, c'est le remix de Soprano. Le titre de Soprano, c'est en feu, c'est transformé par c'est en chien. En cette période de comment on dit, la rentrée scolaire, oui. On est d'accord que j'ai le droit d'aller devant la fac. J'ai le droit. Le lycée, j'ai le droit. Ouais. C'est que collège où je crois il faut que je fasse gaffe. Et école maternelle aussi, oui. Ça, ah oui. C'est interdit. Ok, mais j'ai un avocat, il est génial. Hein. Ça dépend. Ce sera tout à l'heure avant 7h du mat sur Fun Radio. Et bon, bref, c'est le chiffre du jour. Chiffre de ce jeudi matin, ben vous allez partir avec au lycée là, ce matin. Vous allez même en parler dans les transports en commun. Pensez là, à tous ceux qui sont déjà en route pour l'école, pour le lycée, pour le collège, qui habitent. Moi, j'ai vécu ça, le petit bled de campagne où t'es obligé de prendre le bus pour aller au lycée. Ah, bien sûr. Et donc, t'es obligé de te réveiller une heure avant tous les autres et tu fais tous les petits villages, tous les petits bleds. C'est ça. La ferme qui est à côté de chez toi où il n'y a que la ferme, et bah tu t'arrêtes parce qu'il faut prendre. Et c'est un cauchemar, ça n'en finit plus. Et je sais pas si ton bus il faisait pareil, mais moi, donc pareil, il faisait tout un détour par tous les petits villages. Et il y avait un arrêt où il n'y avait qu'une seule nana. Mais bien sûr. Ça s'appelait Magali, et était tout le temps à la bourre. Et ben le chauffeur, il était à la coule, il l'attendait. Et évidemment. On attendait 10 minutes que Magali, elle arrive avec du cacao partout sur la bouche parce qu'elle était à la bourre. Et surtout, le jour de la rentrée, ça définit un peu ton année. Parce que moi, pareil, j'allais en bus, et le jour de la rentrée, il y a plein de gens que tu connais pas quand tu vas dans un nouvel établissement. Et la personne à côté de qui tu t'assois soi va peut-être t'accompagner toute l'année. Peut-être, peut-être. Mais pourquoi vous vous plaignez? Vous vous rendez compte, moi j'ai fait ma scolarité à Paris. Paris, ça veut dire que j'ai pris la RATP, monsieur le bus. Les Parisiens qui faisaient la gueule, c'est encore pire que vos histoires de je sais pas quoi, là, de Martine avec son cacao. Là. En province, ils font la gueule aussi. Hein. Ah ouais, tu prends le bus à 6h35, ouais, t'es ouais, rarement souriant. C'est hein, rare, hein, les pays où ils se lèvent à 6h en disant « Hey, c'est génial, on a un contrôle surprise !» Bon, les amis, tiens, bah, petit chiffre du jour de rentrée, c'est le chiffre 11. Je vous disais, aujourd'hui, voilà, vous allez utiliser un crayon et ce crayon va servir en moyenne 11 fois à faire quelque chose, mais pas forcément à écrire. Est-ce que vous avez des idées? Oui, il y en a. 3228, elle a composé le numéro. Elle a 14 ans, elle est à Rueil-Malmaison, c'est Océane. Bonjour Océane. Coucou. Océane, coucou. Tu fais ta rentrée aujourd'hui ou pas? Oui. Tu rentres en quoi? Troisième. D'accord, ça va, t'es excitée? Ouais, franchement, ouais. Collège à Rueil-Malmaison? Ouais. Il s'appelle comment ton collège? Henri Dunant. D'accord. Océane, d'après toi, il va servir à quoi 11 fois dans la journée ton crayon? À m'attacher les cheveux. Ah, c'est un truc de fille. Ah ouais, ça, ouais. Oui. Ouais, ouais, ça c'est vrai que c'est utile. C'est un vrai truc de meuf, ouais. Ouais, ouais, carrément. Et je trouve ça sexy, moi, des fois. Oui, mais il faut avoir les cheveux fins. C'est vrai, attaché avec un stylo. C'est pas la réponse que j'attendais. Océane, et on va te filer l'agenda Fun Radio, d'accord, ma belle? Ouais. Je te fais des bisous. Bisous. Belle journée. Bisous. Ciao, ciao. Kevin, à Jarny, dans le 54. Salut, Kevin. Salut, Bruno. Salut, la famille. Salut, salut, mon poteau. Il s'est manifesté sur Twitter, Kevin. Son Twitter, c'est Skim Zimkev. Putain, est un pseudo qui est dur à dire, poteau. Kevin, ouais. Il va servir à quoi, ce stylo, 11 fois dans la journée? Oh, à se curer le nez. Ah, bah oui. Ah non, oui, mais... vous faites ça, vous? Oui, ou je le mâchouille et arrêtez de... Ah après, oui, tu le mets dans le nez. Ah ouais, d'abord tu lubrifies, après t'insères. C'est gentil. Je me suis rendu compte que c'était dégueulasse, tu sais, en disant, vous avez vu que je me suis arrêté en plein milieu d'une phrase. Ouais. Mais je sais que tu le fais en plus. Autant pour moi, bonne journée. C'est pas ça la réponse qu'on attendait, Kevin. On te file l'agenda Fun Radio? Ça marche, pas de soucis. On t'embrasse. Ciao, ciao. Romain, il est à Loudun, on est dans le 86. Salut Romain. Salut Bruno, salut la famille. Salut. Putain, Loudun, c'est pas loin de Poitiers de mémoire, c'est ouais, ça? Ouais, ça va Bruno, on a compris. Non, non, non, non, non. On a pas le décalage, hein, c'est bon. Attends, on est à l'heure actuelle comme vous. Hein. Tu sais pourquoi je te dis ça, au revoir? Parce que mon premier vrai flirt, quand j'habitais à Saint-Jean-de-Vie en Charente-Maritime, amour d'été, justement. À l'époque où je l'avais embrassée sur Madonna, donc vous savez que vous n'étiez pas né quand c'est arrivé ce truc-là. Elle habitait Loudun. Et quand elle est repartie à Loudun alors que j'étais à Saint-Jean-d'Angély, j'ai eu l'impression qu'elle partait aux États-Unis. Parce que c'était à genre 180 bornes de chez moi. Je ne l'ai jamais revue. C'est trop mignon. C'était mon premier flirt. Si ça se trouve, je suis ton père, mec. Parce que quand je dis c'était mon premier flirt, quoi. Mon premier. T'as la première fois, quoi. La première fois. Pompon. La première langue en bouche. Ouais, le premier pompon, ouais. Ah bon? Bon, ouais, mais le vrai pampan, tu vois. Oui, on parle pas de la langue. Le pampan, franchement, à cet âge-là, c'est tellement rapide qu'en général, c'est un pan. Ouais, ouais, c'est ça. Romain, il sert à quoi le stylo 11 fois dans la journée? Moi, tu vois, je suis chauffeur routier et le crayon, il me sert à passer mes nerfs dessus. Tu vois, je prends le crayon à mine et j'appuie rapidement dessus sur le bout pour sortir la mine. Ah oui, un peu comme un anti-stress en fait, ouais, comme une boule. Voilà, quoi. Voilà, voilà. Ah d'accord, oui, je vois très bien. Ok, ouais, genre un critérium quoi au niveau du crayon. Ouais. Je me souviens du nom encore. Romain, c'est pas la réponse que j'attendais, mais on t'offre quand même. Eh ben, tu auras l'agenda Fun Radio dans ton camion, pote. Ah ben c'est cool, c'est gentil, merci la famille. Change rien. Ça fait plaisir de vous écouter tous les matins, c'est un vrai bonheur. Eh ben tu sais quoi, on va être là pour toi tous les jours, Romain. 11 fois par jour, notre crayon sert à gratter. Oui, mais pas le nez, Eliott. Non, bon. À gratter l'oreille. Ah, je fais pas ça, moi. Oh, si, ça aide. Bah, après, ça dépend. Avec le 4 couleurs, faut quand même des gros, gros pavillons. Est-ce que ça servirait pas non plus à faire des tours de magie? Vous faisiez pas ça? Tu sais, le truc où tu peux rendre ton stylo mou. Ah, et tu le secoues entre ton index et ton pouce. Ah oui, pour faire croire qu'il est mou. Ça marche, non? J'essaie de vous le faire, là. Bah, ouais, ça a marché quand j'avais 4 ans, là, maintenant, tu vois. Ça puis en me plus, le là, vu que c'est de la radio, les gens, je crois pas qu'ils vont vraiment bien, quoi. Willy Williams, c'est tout de suite. C'est sur Fun Radio. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là, là, là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la. Parce que moi je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, Paris, Paris. Je me balade dans Paris, je me balade dans Paris. pam, rap pam pam pam. Bonjour la famille, c'est Fun Radio. Aujourd'hui nous sommes le 1er septembre. Septembre, c'est la rentrée. Avec le son de Fun Radio, Cigala là, qui arrive dans quelques secondes. Et ce hashtag qu'on a lancé dès 6h qui est en top tweet France et qui à mon avis est pas à l'abri de le rester toute la journée, c'est le hashtag tu sais que c'est la rentrée quand. Y en a tout plein là qui arrivent. Y a Patrice qui dit tu sais que c'est enfin la rentrée. Tu sais que c'est la rentrée quand il y a des programmes intéressants à la télé. Non, en fait, tu te dis que là, ce soir, tu pourrais la regarder parce que tu l'as pas trop fait l'été, mais il va falloir que tu ailles te coucher. Ouais, c'est vrai. Hashtag, tu sais que c'est la rentrée quand ? Guillaume qui dit, tu as déjà marqué toutes les vacances et les jours fériés sur ton agenda. Ça, c'est vrai que c'est le premier truc que tu fais. Hein. Solène qui dit, tu sais que c'est la rentrée quand ton réveil sonne et que tu es assis sur ton lit, en mode dépression. Et tu sais que c'est la rentrée quand aucun prof ne fait grève. C'est le seul jour de l'année. Il y a Anthony qui dit, tu sais que c'est la rentrée quand tu dois mettre un pantalon alors que tu as été tout l'été en short. Ouais. Darwin qui dit, tu sais que c'est la rentrée quand tu es réveillé avant le soleil. Bon, rentrée aujourd'hui pour Quentin. Il a appelé le 3228. Il est à Longueux. On est dans les Côtes d'Armor. Salut Quentin. Salut. Bon, il a un petit stress. Parce que quand tu rentres, on a différents niveaux de stress. Toi, t'en as un en particulier. Tu vas nous en parler dans quelques secondes. D'accord, mon pote? D'accord. Vous restez sur Fun Radio, on est en direct, c'est jeudi, bon réveil. Partez faire la fête pour l'événement électro de la rentrée. Inox. L'Inox Park avec Fun Radio. Inox, put your hands on. Dès que vous entendez le double fun avec les tubes de Don Diablo, mixé à Nils Van Zandt. It's Nils Van Zandt on Fun Radio. Fun. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos invitations avec transport et hébergement à l'Inox Park. Le 3 septembre. Sur l'île des impressionnistes de Chatou. Avec en DJ set. Nervo. Don Diablo. Nils Van Zandt. Chucky. Toujamo. Et bien d'autres. Prêt pour le grand voyage? C'est le double fun sur Fun Radio. Le son dance floor. 3228. Service payant. 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. she came for. Lightning strikes every time she moves. Et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais! 6h-9h. On Fun Radio. Nicole Pervers est de retour. Je suis un chien, j'ai chaud, j'ai chaud. J'ai chaud, je suis un chien. J'ai chaud, je suis un chien. Comme l'équipe de Gengar, mon palmarès est gênant. Je suis un chien. J'ai trempé mon pinceau dans de la terre, dans de la purée, dans du flan. Je suis un chien. Ouais, il y a le nouveau soprano. Je suis en feu. Qui a été repris par Nicole Pervers, le pauvre Sofra. Il va pas réussir à passer un titre à lui à l'antenne. Ça va bien, Nicole Pervers? Ça va hyper bien ce jour de rentrée, je vous jure, j'ai la crevette, elle est mise en forme, c'est une gambasse même, je veux dire. Ça va passer l'avant 7h du matin sur Fun Radio. Et puis, il y aura le Vacher Time juste après 7h. On reprend les bonnes habitudes là de la rentrée. Ah. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. La rentrée scolaire, forcément, moi j'ai toujours eu un petit peu 12 ans et demi dans ma caboche. Hein. J'ai rejoué au jeu du répétage. Ah, j'adore. C'est-à-dire que j'appelle les gens, je répète ce qu'ils disent, voilà, comme un gamin de 8 ans, et ça marche parce que ça les énerve vraiment, quoi. Petit extrait. Allô? Allô? Oui, c'est qui? Oui, c'est qui? Hein? Eh? Tu veux que je te nique? C'est que le début, cette petite femme poète à qui je souhaite une bonne rentrée. Bah, j'aime la poésie. Bon, il a 16 ans, il rentre en seconde aujourd'hui, et c'est Quentin. Et Quentin, ce matin, il a le blues. Quentin, il a le seum. Oh. Quentin, il se sent pas bien, il va rentrer en seconde. Quel lycée, Quentin? À Jean Moulin, à Saint-Brieuc. D'accord. Bon, c'est quoi ta tannée, mon poteau? Je vais faire un CAP, vente en milieu rural et service à la personne. Ouais. Donc là ça va être nouveau pour moi, tout ouais. Nouveau. Et là j'ai un peu stress parce que je connais personne et en plus je vais prendre le tube. Donc, Ah merde, ouais. Alors ça, l'angoisse d'arriver dans un nouveau lycée où tu sais que t'as pas tes potes de l'année d'avant qui vont être là. Moi, je l'ai jamais vécu. J'ai eu la chance de faire ma scolarité toujours au même endroit. Mais c'est vrai que les gens, les nouveaux qui arrivent, on les regarde bizarre en général. Mais c'est ce que je te disais. Moi, ça m'est arrivé aussi une fois. Et du coup, dans le bus, je m'étais assise à côté d'une fille et je suis restée pote avec cette fille toute l'année. Et au moins, t'arrives pas toute seule au lycée. Ouais. Après, tu rencontres au fur et à mesure d'autres gens, mais bon. Et sinon, tu fais comme moi. Moi, je m'étais assis au hasard à côté d'un gars et c'est devenu mon pote, mais mon pote de transition. C'est-à-dire que tu sais que tu vas pas forcément l'aimer. Et donc, j'ai été pote avec lui pendant 2 mois, mais il était horrible. Ouais. Le truc important, Quentin, c'est d'avoir un gars ou une meuf à qui tu peux parler pendant la cour de récréation pour pas que justement tu fasses tout seul. C'est ça. Et les gens, ils vont se dire, ouais, c'est son meilleur pote et tout, alors que tu le connais pas, le gars. Non, mais ils disent surtout, le gars est posé, il connaît quelqu'un, quoi, tu vois. Ouais. Si t'es un peu paumé dans le délire, les gens te regardent chelou. Et surtout, ne fais pas comme moi. Moi, j'ai dû changer de. Enfin, je suis arrivé dans un nouveau collège et j'étais tellement lourd, personne n'a voulu être copain avec moi. Ma mère, en 5e, elle a décidé de me changer de collège et donc. Ouais. Et après, j'ai changé, je me suis fait d'autres potes. Le risque, Quentin, c'est d'en faire des caisses pour se faire remarquer et après, ouais, tu peux être. Étiqueté relou dès le début, quoi. Donc il faut la jouer serré. Et le pote de transition dont je parlais, tu vois, tu t'en sers pendant un mois, c'est Elliot, justement. C'est pour ça que t'étais tout seul. Quentin, t'es sûr, à la fin de ta troisième, il n'y a aucun pote à toi qui a dit, ah bah tiens, moi aussi je vais faire le même CAP ou un délire dans le genre? Non, il n'y a pas ça. Hein. Non. Ouais. Bon. Écoute, après. Il y a peut-être des gens que tu vas croiser, tu vois, que tu disais putain, mais je savais pas que t'étais dans ce lycée-là, peut-être. Ouais, c'est ça. Et puis le premier jour, il suffit de faire une toute petite vanne à quelqu'un et hop, tu sympathises, restes avec lui, tu le colles. C'est ça, t'arrives avec quelqu'un, tu vois, tu choisis la nana la plus belle et tu lui dis vas-y, tire mon doigt. Et tout de suite, ah ben dis donc, classe britannique, le gars quand même est posé, quoi. C'est ça, tu me dis, ah, tes loches, elles sont tellement grandes que je me cacherais bien entre les deux, hein, s'il y a un tremblement de terre. Par rapport à la protection, quoi. Vas-y, et te stresse pas, Quentin, ça va bien se passer. Il vient, et jour de rentrée, il vient d'arriver un truc, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je fais de la radio. Ou alors, est-ce que je peux de la gueule ou pas? Ah, je sais pas, ton micro t'a fui, là. Mon micro est parti dans l'autre sens. Ouais, c'est-à-dire, j'étais en train de parler, puis ça. Voilà. Ouais. Il s'est dévissé. Bon, Quentin et mon pote, bon courage. Tu sais quoi, demain matin à 7h moins le quart, on te rappelle pour voir si ça s'est bien passé, d'accord? D'accord. Et je t'oblige à te faire 3 potes aujourd'hui et tu nous donneras les noms demain des 3 personnes un peu sympas, ok? D'accord. On t'embrasse, poteau. Bon courage. Ciao, Quentin. Le pauvre. Hé, Quentin, fais pas de conneries, hein. Attends, quand même, c'est qu'une rentrée. Le JPI, c'est le journal pour l'image, c'est le faux journal de l'émission. Il est de retour, bien sûr. Bah oui, comme vous, c'est notre entrée aussi un peu. C'est gala, le temps de retrouver le JPI, c'est sur Fun Radio. I may be selfish, but I take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. I need it. Give me your heart. Give me your love, I need it, oh yeah, oh yeah. Give me your love, I need it, give me your all, I'm pleading. Give me your love, I need it, oh yeah. Why don't you give me your love? Searching around, I can't do this anymore, so give me your love. Jour de rentrée, j'ai envie de faire un choc des générations. Choc des générations, c'est quoi? C'est quand on a un auditeur très jeune et qui se bat contre un auditeur, bon, pas très vieux, mais plus vieux en tout cas, sur des cultures différentes. On pose des questions de vieux aux jeunes, des questions de jeunes aux vieux. Jour de rentrée, ce qui pourrait être sympa, c'est d'avoir quelqu'un qui fait sa rentrée en élève et quelqu'un qui fait sa rentrée en prof. Ah ouais! Ça pourrait être bien, ça? Ouais, carrément. Donc, et t'as moins de 15 ans, t'appelles le 3228. T'as plus de 40, t'appelles le 3228, mais faut que tu sois prof. Et on se fait un choc des générations avant 7h30. On okay. fait ça? Et on a un PC portable à vous filer en plus. Hein. Et on a un cadeau ouais. en plus. Et ben dis donc, j'ai l'impression que la rentrée sur Fun Radio, ça va être quelque chose. Mais les profs, ils écoutent pas France Culture? Écoute, peut-être que t'es prof et que t'écoutes Fun Radio, ça n'est pas sale, ton corps change. Journal pour l'image, faux journal de l'émission, c'est la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et aujourd'hui, nous fêtons les Gilles. Ah, dans le cul, ah. Qu'est-ce qui vous prend, là? Bah, je souhaite bonne fête à Gilles de la Tourette. Et pour commencer, rentrée aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Pour vous remonter le moral, sachez qu'il ne reste plus que 48 jours avant les prochaines vacances. Courage. Rentrée scolaire. Voilà, juste pour vous stresser un peu une heure avant, quoi. Salope. Aujourd'hui, c'est donc la rentrée scolaire. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony. Anthony. Vous êtes devant un lycée. Avec un impair. Tout nu en dessous. Ok, on vous envoie la police, Anthony. Et pour finir, si vous aimez les personnages de dessins animés et les émissions de TF1, découvrez les Tortues Ninja Warrior. Voilà, c'est la fin du JPI tout à l'heure. Nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Nicole Pervers. Oh putain, c'est le nouveau sur Fun Radio. Je suis un chien, j'ai chaud, je suis un chien. J'ai chaud, je suis un chien. Comme Zinedine Zidane, je veux la mettre dans le mille. Je suis un chien. Ce soir, j'ai des fourmis dans ma culotte, je vous le dis. Je suis un chien. J'ai préparé des nouilles pour y tremper mon kiki. Je suis un chien. Je vais faire tub chef jusqu'au bout de la nuit. Je suis un chien. Ce soir j'ai la tour de Pise plus redressée que jamais. Je suis un chien. Comme Renaud Laville et Nîmes, ma perche, je veux la planter. Je suis un chien. Houston, soyez prêts. Boum, ma fusée décolle. Je suis un chien. Mon seul but dans la vie c'est Ken et ce depuis l'école. Je suis un chien. Je sens que je suis en train de briller. Normal c'est que je transpire trop. 30 ans que j'aimerais rentrer mes petites chouquettes au fourneau. Si tu me croises, n'aie pas peur. Si tu me parles, n'aie pas peur. Je n'ai pas peur, même si putain je suis en chien. Je suis en chien. Même si putain je suis en chien. Je suis en chien. Crois-moi ce soir je suis en chien. Je suis en chien. Crois-moi ce soir je suis en chien. Je suis en chien. J'arrive pas à chanter dans les aigus, ok. Un point pour soprano, zéro pour Nico. Je suis en chien. J'ai chaud. Je suis en chien. J'ai chaud. Je suis en chien. Comme l'équipe de Guingamp, mon palmarès est gênant. Je suis en chien. J'ai trempé mon pinceau dans de la terre, dans de la purée, dans du flan. Je suis en chien. J'aimerais aller de l'avant et me trouver une petite meuf. Je suis en chien. En attendant, je fais des trous dans le coussin du canapé neuf. Je suis en chien. Ce soir, je veux que ma tour Eiffel caresse un nuage. Je suis en chien. Je voudrais qu'un bouquin accepte que je mette mon marque-page. Je suis en chien. Je voudrais insérer ma péniche dans un lac. Je suis un chien. En clair, je recherche un huc, un boule pour les manger, lui mettre des claques. Je suis un chien. Je sais que je suis en train de briller parce que j'ai la peau grasse. 30 ans que j'aimerais tremper mon spéculoos dans une tasse. Si tu me croises, n'aie pas peur. Si tu me parles, n'aie pas peur. Si tu me touches, n'aie pas peur. Même si putain, je suis en chien. Je suis en chien. Même si putain, je suis en chien. Je suis en chien. Crois-moi, ce soir, je suis en chien. Je suis en chien. Yeah, même mon chien il est un chien. Ça sent la ken, ça sent la ken. Appelle tes copines, je suis chaud. Je suis prêt à ken, je le sens. Je suis prêt à ken, appelle tes copines, je suis chaud. Le jour de la ken c'est maintenant. Faut que ce soit maintenant. Appelle tes copines, je suis chaud. Même leurs grands-parents, je suis chaud. Je veux plus ken des pots de fleurs, d'échappement ou de beurre. Appelle tes copines, je suis chaud. Je sens que je suis en train de briller, normal, c'est que je transpire trop. 30 ans que j'aimerais rentrer mes petites chouquettes au fourneau. Si tu me croises, n'aie pas peur, si tu me parles, n'aie pas peur. Si tu me touches, n'aie pas peur, même si... Putain ! C'est le nouveau Nicole Pervers. On va vous faire un clip, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de demandes là pour le clip de Nicole Pervers qu'on a eu depuis le début de la semaine, hein, quand on l'a passé lundi, avec le hashtag Bruno Fun Radio. Peut-être qu'on va te filmer, Nico. Hein. Ouais, il y aura des meufs dans le clip. Jean-Christina Guillotin. Non, tu Christina. Me fais peur. Tu sais, même les meufs avec une moustache, moi je dis ouais. Moi je dis ouais, j'accepte. Jonas Blue, Perfect Strangers. C'est le nouveau, ça arrive sur Fun Radio. Et dans la demi-heure, on aura un petit David Guetta qui fait plaisir avec Sia Titanium. Vous écoutez Fun Radio, le Vaché Time arrive après les news, il est 7h. Fun Radio. Le son. Fla. Maxime Poulaouek pour les infos. Allez, on le refait. Maxime Poulaouek. Poulaouek. Poulaouek. Mec, ça va te coller au cul tant que tu seras dans ce studio, je tiens à te le dire. L'info donc, on commence avec la météo de ce jeudi. Un ciel bleu sur l'ensemble de la France, quelques nuages ce matin près de la Manche, ça s'améliore dans le sud-est, les températures sont estivales, 15 à 20 degrés actuellement, au plus chaud comptez 24 à La Rochelle, 25 à Reims, 27 à Paris, 29 à Clermont-Ferrand, 30 à Bordeaux et Lyon, jusqu'à 31 à Perpignan. Après 2 mois de vacances, plus de 12 millions d'élèves font leur retour en cours aujourd'hui. Une rentrée scolaire marquée par les réformes éducatives du quinquennat à 8 mois de la présidentielle, mais aussi par une surveillance renforcée devant les 64 000 établissements scolaires face à la menace terroriste. À Marseille, un homme de 40 ans a été tué par balle hier soir dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne. Ce père de famille rentrait chez lui quand il a été pris pour cible par un individu. C'est le 4e assassinat de ce type depuis le début du mois dans les Bouches-du-Rhône. Elle entend concurrencer l'Apple Watch, la montre connectée de Samsung. La Gear S3 a été présentée hier soir au salon IFA de Berlin. Avec un écran rond, elle est déclinée en 2 versions, sportive et classique. Nouveauté par rapport aux précédentes, la présence d'un micro et d'un haut-parleur permettant de passer des appels. Le paiement sans contact fait aussi son apparition. Son prix et la date de sortie ne sont pas encore connus. L'annonce intervient moins d'une semaine avant la fameuse conférence keynote d'Apple présentant le nouvel iPhone 7. Le foot, les Bleus retrouvent les pelouses pour la première fois depuis l'Euro. Un match amical se jouera contre l'Italie ce soir à Bari, coup d'envoi à 21h. Et puis vous l'entendez depuis cette nuit sur Fun Radio, le nouveau titre, ou plutôt la reprise des Black Eyed Peas de Where is the Love. Le groupe a décidé de réunir à plusieurs artistes comme Justin Timberlake pour lever des fonds en faveur des victimes de violences policières. Attention, en écoutant le programme qui va suivre, vous allez vivre une expérience générationnelle. Par la seule magie des ondes radio, en l'espace de quelques secondes, vous allez être connecté, lié, avec des millions de personnes près de vous. En France, en Belgique et dans le monde entier, vous allez découvrir une famille. Vous allez faire partie de cette famille. Une famille de cœur, une famille de couleurs sur laquelle vous pourrez toujours compter. Vous allez créer aujourd'hui vos meilleurs souvenirs de demain. Vous vous sentiez seul en vous levant le matin ? Désormais, vous ne l'êtes plus. Bienvenue dans la famille Bruno dans la radio. Une famille faite d'amour, de déconne, d'émotion. Et de prout aussi. Eh oui, car après tout, on est entre nous. Jeudi, c'est le 1er septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 7h03, bonjour ! Mais oui, nous sommes là. C'est Fun Radio qui vous réveille les amis, on va être là tous les jours, toute l'année. Si c'est votre rentrée ce matin, vous avez eu le bon réflexe. Vous mettre sur Fun Radio avec le son Dance Floor de Jonas Blue. Perfect Stranger, ça va arriver là dans 5 minutes. Un petit David Guetta qui fait plaisir, j'en ai un pour vous. Titanium. Vous chauffez pas maintenant, je vais le mettre en entier. Ça suffit. Je vais le mettre en entier tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai besoin de vous. 3228, vous appelez maintenant Fun Radio. Et vous allez vous retrouver en direct avec nous dans moins d'un quart d'heure. Dans moins d'un quart d'heure, il y aura un duel. Un duel, que dis-je ? Il y aura un choc ! À toi le collégien qui part à l'école aujourd'hui et qui fait ta rentrée, viens nous voir. À toi le prof qui attend bien tranquille derrière son bureau, viens nous voir. Un choc des générations avant 7h30. Le collégien répond aux questions de vieux, le prof répond aux questions de collégien. Et celui qui gagne repart avec un PC portable. Elle est belle l'histoire, on va faire ça tout à l'heure. 32-28 pour jouer avec nous, ça marche pour nos amis belges qui écoutent Fun Radio ce matin en appelant le 02 85 10 000. Christina est là. Bonjour à tous, bon courage pour la rentrée. T'aimais bien la rentrée scolaire, toi ? Moi, j'aimais bien jusqu'en troisième. Après, ça m'a saoulée. J'aimais bien parce que t'as des nouvelles affaires, tout ça, t'as envie de les montrer, quoi. Bien sûr. Vacher, ça va, Vacher ? Ouais, ça va. Moi, j'aimais bien, mais j'oubliais tout le temps un truc, soit ma trousse, soit mes feuilles à rouler. Mais il y avait tout. Eliott, t'aimais bien la rentrée ? Moi, j'adorais parce que, comme je te dis, c'est le seul jour où tu pouvais rien foutre, quoi. T'avais pas encore tes bouquins scolaires, t'as rien dans ton cartable, t'es à la cool, tu rentres chez toi, t'as rien branlé. Ouais. On a lancé ce matin le hashtag tu sais que c'est la rentrée quand ? En moins de 10 minutes, on est numéro 1 top tweet France là. Depuis le début de l'émission, il y en a plein qui arrivent. Anéira qui dit tu sais que c'est la rentrée quand tu regardes ton téléphone et que tu vois jeudi 1er septembre. Voilà. Forcément. Il y a Karabatik qui dit tu sais que c'est la rentrée quand BFM TV fait des reportages chez les gens avec des enfants crevés. Il y a Magda qui dit tu sais que c'est la rentrée quand tout le monde est passé chez le coiffeur. Mais ça, ça devait tellement être Christina. Ouais. Ah bah bien sûr. Il y a John qui dit tu sais que c'est la rentrée quand t'as passé la soirée d'hier à chercher des nouvelles excuses pour ton CPE quand tu vas être en retard. Ouais. Harley Laqueen qui dit tu sais que c'est la rentrée quand tu manges le matin. C'est vrai que ça revient beaucoup. Ouais. Hein. Le côté du petit-déj, on avait oublié le petit-déj. Il revient, il est là. Bah, on est là pour votre petit déjeuner et avec le Vacher Time. Bruno. Oh oui, baby! Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Et voilà, je fais un petit peu mon petit con. Voilà, j'appelle des gens, je répète tout ce qu'ils disent, voilà. Et c'est vrai que ça les énerve. Et moi, plus les gens ça les énerve, je sais pas pourquoi, ben, j'éprouve du plaisir. Ouais, voilà. Et alors vous allez voir, c'est un petit peu vénère, la nana. Moi, j'aime la voix du réveil au début, écoutez. Allô? Allô? Oui, chez qui? Oui, chez qui? Hein? Tu veux que je te nique? Regarde. Attends, ça, vous voudriez nous proposer le même modèle. Allô ? Vous voudriez nous proposer le même modèle. Allô ? Qui vous êtes Qui vous êtes Aujourd'hui, Emmanuel Macron. Merde, t'es. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron. Merde, t'es. Bon, allez. Allô ? Bon, allez. Allô ? Qui c'est ? Hein ? C'est pas si ça, là. C'est qui ? Eh bon, c'est pas si ça, là. C'est qui ? Bon, écoute, c'est des gens qu'on connaît. Non. Allô ? Bon, écoute, c'est des gens qu'on connaît. Non. Allô ? Va te faire foutre ! Va te faire foutre ! Allô ? Allô ? Oui, j'écoute. Allô, qui c'est ? Allô, qui c'est ? Qui c'est, toi ? Qui c'est, toi ? Ouais, dis-moi, tu sais qui est là ? Ouais, dis-moi, tu sais qui est là ? Qui c'était qui là ? Qui c'était qui là ? Qui c'était qui là ? Qui c'était qui là ? Qui c'était qui là ? Qui c'était qui là ? Oh dis-moi, trop du cul ! Qui c'était qui là ? Qui c'était qui là ? Qui c'était qui là ? Qui c'était qui là ? Qui c'était qui là ? Écoute-moi bien, tu me casses pas les couilles ! Alors, par contre, si quelqu'un sait ce que ça veut dire, qui c'était qui là ? Ouais, mais c'est une chanson, t'es qui là ? Vous avez choisi Fun Radio pour vous réveiller. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est un bon choix. Soleil et le bienvenu. Je m'appelle Bruno, c'est Jonas Blow. Tout de suite, Perfect Strangers. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Knows the secret tomorrow we'll hold. We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? c'est le nouveau sur Fun Radio. 7h11, Titanium. Ouais, bon, c'est titanium en fait, mais en anglais c'est plus joli. David Guetta, ça va arriver avant 7h30. On a un choc des générations prof contre élèves là qui va arriver juste avant 7h30. C'est un bruit de micro, c'est pas un prout, rassurez-moi. J'ai eu peur. C'est un bruit de micro. On a lancé le hashtag, tu sais que c'est la rentrée quand aujourd'hui. Ça me fait marrer parce qu'il y a quelqu'un qui dit, tu sais que c'est la rentrée quand tu ressors ta flûte. Ah ouais. Oh, boule la flûte. On est d'accord, 6ème, 5ème, t'as toujours les cours de musique avec la flûte. Bah, je pense, oui. Ah, c'est putain. Une tanasse. Ils avaient pas arrêté, je crois. Non, je crois que c'est revenu, la flûte. Ou... Ouais. En tout cas, en primaire, je sais qu'ils le font encore. Ouais. Surtout que tu fais rarement des trucs kiffants. Par exemple, tu vois le titanium de David Guetta, c'est rare qu'à l'école, on te fasse faire le. Franchement, et la flûte à l'école, c'est d'angoisse ou pas? C'était horrible. Horrible. Moi, j'y arrivais pas du tout. En plus, j'arrivais pas à coordonner mes doigts. Alors, ça donnait un truc ridicule. Moi, je savais jouer, j'ai du bon tabac dans ma tabatière. Mais non. Ah bon? C'est le tout, tout, tout, tout, tout, tout. Jouer, j'arrivais en gros, vraiment en gros. Mais si ça se trouve, si vous me trouvez une flûte, je peux vous le rejoindre en live. Ah bah, je crois qu'on en a une dans le bureau, mais moi, j'allais vous proposer la même chose parce que j'étais premier de la classe en flûte. Ouais, alors j'avais le problème. Un très bon niveau. Le problème avec la flûte qui est dans le bureau, je la connais, mais elle a servi à d'autres choses que jouer à la flûte. Pour une vanne un jour et je soufflerai pas dedans. Attends, il y a que moi qui faisais des notes improbables avec la flûte, genre. Ouais, en aussi, tout cas, il y a que toi qui dis improbable. C'est vrai. Vous savez quoi, hey, non, on est tombé bien, hier, on est tombé parce que on déconnait là-dessus sur le côté flûte. On est tombé sur une nana qui essaye de faire des tutos de flûte sur sa chaîne YouTube. Ouais. Et tu peux décéder de rire. Voilà, je vous dis. Vous savez quoi? Je vais vous récupérer les morceaux de la nana et vous allez essayer de les reconnaître. Oh, il y a la flûte! Elle arrive derrière toi! Qu'est-ce qu'on en fait? Ah non, moi je la touche pas. C'est comme celle qu'on te prêtait en cours. Elle a trop servi, trop de bouche passée dessus. Oh et pas là. Que. Non, je ressens l'embout. Alors? Oh. Oh, non, c'est passé, je pense. Oh, oh, non. Mets pas ta bouche là-dessus. Oh là là. Attends, et on est d'accord? Il n'y a pas eu de répétition. Vas-y, non. Vas-y. Ouais, attention. C'est pas mal. Mais alors, attends, explique-moi un truc. À quoi ça te sert après dans la vie? À rien du tout, voilà. Vraiment. À rien. Autant ton pote qui joue de la guitare et qui, sur le bord d'une plage, l'été, commence à faire un petit peu de grattage et il chante un truc, genre. Il est sûr d'aller niquer à la fin. Autant toi, ouais. T'arrives et tu joues, j'ai du bon tabac dans ma tabatière. Hey, t'es content d'avoir une flûte pour aller dormir. Bruno, allô? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Je t'imagine sur la plage avec ta flûte. Ouais, non, t'as l'air d'un con. En plus, pour peu qu'il y ait du vent, le vent passe dans les trous. Ça fait des notes pourries. Non, c'est la merde. Bon, tous les jours et toute l'année, nous allons payer vos factures à 7h10 et 8h10 en direct sur Fun Radio. Et si vous voulez que ce soit votre facture qui soit sélectionnée, bah, il faut juste l'envoyer. Soit vous la déposez sur le site brunopayevosfactures.fr ou bien vous l'envoyez par mail à facture@funradio.fr. Et si on vous appelle en direct le matin, la facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. Surtout que moi, ma prof de musique, à l'époque, je vous jure, elle avait un handicap, elle avait un bras atrophié. Oui. Et donc, elle faisait que des fausses notes. Mademoiselle Manca, elle s'appelait. Mais c'est horrible. Je te jure. Donc, à chaque fois, t'entendais. Comme ça. Allô? C'est pas bien de se moquer. Pauline? Oui. Bonjour, Pauline. Bonjour. Je vais lui faire, quoi. Confisquez-lui cette flûte. Pauline, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno. Oh oh oh oh. Bonjour Pauline à Tours. Oui, c'est bien c'est ça, Pauline? D'accord. Bon ben Pauline, je veux tout savoir. Tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie à Tours? J'ai 19 ans et je suis étudiante en diététique. Étudiante en diététique, c'est-à-dire tiens, ouais. Aujourd'hui on va faire une interro surprise sur le filet de cabillaud. Non, ça va, je suis pas prête, c'est pas encore la rentrée donc. Mais t'es-tu quoi? C'est pour être quoi? Pour être diététicienne plus tard, c'est ça? Pour diététicienne, ouais, c'est d'accord. Ça. D'accord. Et pour savoir ce qu'il faut bouffer, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. J'ai une question. Est-ce que tu peux être une femme ronde et être diététicienne ou pas? Non. Je suis allé voir une diététicienne il y a pas longtemps. Elle était grosse et du coup, je lui ai pas fait confiance. T'as vu comment j'essaie d'être, de mettre les formes. Je dis une femme ronde et lui, il arrive. Ouais, je suis allé voir une femme, c'est un gros tas. Elle avait pas de clients, cette grosse vache. Mais les amis, on peut être. Il faut que vous compreniez quelque chose. Et Pauline, ouais, je vais vite fait sur le sujet. On peut être en surpoids. sans forcément trop manger. Des traitements médicaux. C'est génétique aussi. Font par exemple que tu peux être gros et pourtant tu bouffes, tu fais gaffe à ce que tu manges. Je me demandais si ça existait aussi. Ouais. Ouais, bon, Pauline, là n'est pas la question. Tu m'as envoyé une facture de 227,46 €. Qu'est-ce que c'est? En fait, je pars fêter mes 20 ans à Prague avec mes deux meilleurs amis et du coup, c'est la facture de nos billets d'avion. Ah, trop cool! Oh, on dirait le pitch d'un film porno. Oh, mais non! Je pars fêter mes 20 ans à Prague avec mes deux meilleurs amis. Moi, je m'y vois déjà dans ce cas. C'est prévu pour quand, Pauline? Du coup, je suis du 25 octobre, donc du 24 au 26. Bon, ce week-end à Prague, avec tes potes, c'est moi qui paye. Merci, franchement, c'est trop cool. Merci. Et de rien, ma Pauline, je te fais des bisous. Merci, bisous à vous, vous êtes top, merci. Ça fait plaisir, ciao ciao. Je suis déjà allé à Prague et ils font des très bons hot dogs. Voilà, je te les conseille. Cool. Ouais. Sympa. Voilà. Je te rappelle qu'elle fait des études en diététique. Ah mais ouais. Sinon, et alors la version, vous voulez préférer laquelle dans 10 minutes? Celle-là ou Celle-là. Ouais, peut-être. Ouais. C'est vous qui voyez. Hein. Là, vous m'avez chauffé sur la flûte. Hein. C'est Fun Radio, c'est la rentrée, on revient après ça. Fun Radio présente l'Inox Park sur l'île des impressionnistes de Chatou. Hey, samedi, à partir de 16h, Fun Radio vous fait vivre l'événement en direct avec JB, Mika, Adrien Thomas et Miko C. Retrouvez les interviews et les mix des plus grands DJ de la planète avec Nervo, Don Diablo, WNW, Hi, it's Chucky, Tujamo. Salut les Space Invaders, c'est Joachim Garraud et beaucoup d'autres. Inox Park. L'Inox Park. En direct de l'île des impressionnistes de Chatou. C'est exclusivement avec Fun Radio. Prêt pour le grand voyage? Les sons d'Enfleur. Le Happy 55e anniversaire Auchan, c'est maintenant. Profitez de 55% d'économie sur plein de produits. Chérie, t'as entendu? Plein de promos. Ah bon? Et même sur les... Attends, écoute. Jusqu'à mardi avec votre carte Auchan, pour l'achat d'une barquette de 8 côtes de porc échine avec os, origine France, 55% sont crédités sur votre compte Wahoo. 55% sur du porc français? Et en plus, c'est tellement savoureux. Auchan, la vie que j'aime. 5,95€ le kilo, voire condition en magasin. Happy égale heureux. À l'occasion de la rentrée des classes, achetez un pot de Nutella et recevez 8 étiquettes personnalisées pour vos enfants. Emma, Enzo, Chloé, Nathan. Alors rendez-vous en magasin. Offre valable jusqu'au 30 septembre sur les pots porteurs de l'offre, voire conditions sur Nutella.com. Nutella réveille notre enthousiasme. Pour votre santé, bougez plus. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a? La rentrée approche et j'ai rien à me mettre. Bah fais comme nous. Pour additionner look de ouf et nouveautés sans se ruiner, on va chez Célio. Regarde, en quelques clics, t'es branché sur leurs actus, les tendances et les bons plans. Tiens, en ce moment en magasin, avec l'offre 1+1=3, pour deux articles achetés, le troisième est offert. Pour deux articles achetés seulement, le troisième est offert? Eh ouais. Allez les gars, on fonce chez Célio. Voir conditions de l'offre en magasin ou sur Célio.com. Rejoignez-nous sur notre page Facebook. Chez Intermarché, c'est reparti pour un tour avec le carburant à prix coûtant pour une rentrée qui roule jusqu'à samedi. Le carburant à prix coûtant, c'est chez Intermarché. Dépêchez-vous! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité magasin participant sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Tous les matins. Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. On a lancé ce matin le hashtag des 6h. Tu sais que c'est la rentrée quand qui est top tweet France là depuis 6h10. Il y en a des oufs qui arrivent, je suis en train de les lire. Il y en a un qui s'appelle A plus dans le bus et qui dit: tu sais que c'est la rentrée quand ta mère vient de te gueuler à 6h de matin, il faut que tu te lèves, FDP. FDP. C'est quoi cette merde? Je traduis pas, vous savez ce que ça veut dire, mais il faudra quand même que tu dénonces ta mère auprès des services sociaux. Mais... Vous écoutez Fun Radio, il y a Sia. Oh, mais elle n'est pas seule. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio, le son dance floor. We'll be right back. Lundi soir, il a fait la closing party à Ibiza de la saison, là, été 2016, David Guetta, Ushuaïa Club, où on était en direct le 24 juin. Oh, c'est loin tout ça. Quand tu parles d'Ibiza un jour de rentrée, tu te dis, ah ouais, c'est vraiment la rentrée. 7h25. Tous les matins. Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son dance floor. Petit choc des générations ce matin. Le choc des générations, c'est quand nous prenons un jeune auditeur qui tente de répondre à des questions de vieux et que nous prenons un auditeur un peu plus âgé qui tente de répondre à des questions de jeunes. Et ce matin, j'avais envie d'un choc des générations, de rentrée. Parents, professeurs contre élèves. Eh bien, nous l'avons. Dans le coin gauche, accusant 14 ans à la pesée, il habite à Jeun, il s'appelle Mickaël. Salut la famille. Bonjour Mickaël. Bonjour. Bonjour. Dans le coin droit, accusant 49 ans à la pesée, elle est professeure d'anglais de 4e. Wow. Elle s'appelle Véronique. Ah, applaudissements pour Véronique. Hello, hello. Mickaël, Véronique, c'est un combat à mort que vous allez vous livrer. À mort et en direct sur Fun Radio. Le vieux répond aux questions de jeunes, le jeune répond aux questions de vieux. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Je suis prête. Eh ben, tu sais quoi, puisque t'es prête, Véronique, on commence avec toi, question de jeune pour toi. On y va. De quel jeu vidéo est issue cette musique? Wishy Move. T'as dit quoi? Elle a dit quoi? Wishy Move. Wishy Move. Wishy Dance, ouais. D'accord, non, rien à voir. C'est Pokémon Go, Véronique. Hop. Allez hop, 0 sur 20. Allez hop, bien 0 fait. Point pour Véronique. Mickaël. Oui. Question de vieux pour toi. Bravo. Quel est l'ancien nom du bac L, le bac littéraire, Mickaël? Alors, je dirais... Ah, c'est chaud. Allez, lance-toi. Ouais, trop de temps, trop de temps. Ah, ben non, mais trop de temps. Oui, oui. C'était le bac A, bac littéraire, c'était le bac A. C'est à l'époque où je passais mon bac D, moi, le bac scientifique. Eh, oui. Zéro okay. Partout. Véronique, oui. Question de oui. Jeune. Quel réseau social a lancé cet été une fonction appelée Memories? Snap. Un point pour Véronique. Et bravo. Les profs prennent la tête. Mickaël. Ouais. Question de vieux. Ok, ouais, putain. Allez, garé où ta mob? Quelle marque a fait cette publicité culte, Mickaël? Écoute bien. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre, c'est de la dynamique. Il me faut le nom de cette barre chocolatée, Mickaël. Je dirais Mars. Eh non, c'était Ovomaltine. Oh, elle me gonflait, cette pub. Eh. Pas de point, Michael. T'as vu, avec Elliot, on n'a pas réagi parce qu'on n'était pas nés, nous. Bah ouais, désolé. Véronique, question de jeune. On y va. Véronique, si t'as la bonne réponse là, t'es sûr de gagner. Puisque c'est sur 3 questions, et là, ça veut dire qu'il y aurait 2-0 et donc il ne peut pas te rattraper. D'accord. Écoute cette chanson. Qui chante Véronique? Necfeu. T'as dit quoi? Necfeu. Ouais, donc je suis en feu, Necfeu. Nul. Bah oui, forcément. Passe-moi ton carnet de correspondance, je vais mettre à moi tes parents, t'as pas révisé. Ah bah voilà, Zéro point. Ok, moi j'écoute plus, enfin j'écoute autre chose, moi j'écoute Drake, j'écoute Dog, voilà d'autres. Quoi. Ouais, fais pas genre. Oui, bah t'es regarde. J'écoute Renault, arrête. Michael. Ouais. On va te donner l'occasion de peut-être te rattraper. Allez. Ok. D'accord? Oui. Tu te poses, tu t'assis dans le coin du ring, ok? On va te mettre de l'eau sur le visage, on va remettre ton cache-dents et tu vas repartir au combat en parlant comme ça dans moins de 3 minutes, d'accord mon poteau? C'est bon. Tu bouges pas. Et puis il y a la chanson du jour là qui arrive sur Fun Radio. Ah, alerte Rimmel pour la chanson du jour, ça peut pleurer ce matin. Tout ça c'est dans moins de 3 minutes après les infos, à tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New Music. C'est Fun Radio. Salut, c'est Martin Solveig sur Fun Radio. Major Lazer. Salut, c'est DJ Snake. DJ Snake et Justin Bieber. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Chez Intermarché, c'est reparti pour un tour avec le carburant à prix coûtant pour une rentrée qui roule jusqu'à samedi. Le carburant à prix coûtant, c'est chez Intermarché. Dépêchez-vous! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité magasin participant sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager. Mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois. Enfin une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement à forfait Power Family et un starter mini 100 mégas. Prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur sfr.fr. Je suis le dressing de chez Castorama. Et avec tous mes copains du rayon rangement, nous encourageons tous ceux qui ont des idées à aller jusqu'au bout de leur projet. Pas vrai les amis? Oui! Alors ça tombe bien, parce que demain et jusqu'à dimanche, Castorama vous offre 15% de remise sur les dressings, les portes de placard, les boîtes de rangement et accessoires de penderie. Oh, ça y est, je sens que je vous donne déjà envie de ranger. Hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr, liste et horaires des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Tu sais Loïc, j'ai eu un déclic. J'ai acheté 30 secondes de pub sur Fun Radio pour ma petite start-up sans avenir, comme tu disais. Et déclic, j'en ai eu un max. J'ai triplé les commandes. Vous aussi communiquez sur Fun Radio. Rendez-vous sur radiofacile.fr. Radiofacile.fr. Avec Léa, très à l'aise à la piscine. Oui, sans doute grâce à ses lunettes de natation Nabeji X-Base. Dotées de joints très souples, ses lunettes sont confortables et parfaitement étanches. Léa qui exécute une magnifique longueur en papillon. Un véritable papillon dans l'eau. Un véritable poisson dans l'eau, non? Ça dépend des points de vue. Chez Decathlon jusqu'au 24 septembre, la rentrée à petit prix joue les prolongations. Avec les lunettes de natation X-Base de Nabeji à seulement 2,99€. Decathlon, à fond la forme. Liste des magasins participants sur decathlon.fr. GPS, caméra de recul. Oh, elle est vraiment canon ta nouvelle Volkswagen. Hein. Tiens-toi bien, entièrement connecté. Bon, allez, tu la vends combien? Je la vends pas, je viens de l'acheter. Non mais t'as déjà quelqu'un sur le coup, c'est ça? C'est Michel. Michel, il est à Cancun. Difficile de résister. En septembre, la Golf Match suréquipée est à 270€ par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 2867€. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Bougez pas, Bruno. Bon, dans moins de 2 minutes sur Fun Radio, on a le résultat là du choc des générations, le duel à mort entre Véronique qui est prof d'anglais et Michael. qui fait sa rentrée là aujourd'hui, qui a 14 ans. Et puis chanson du jour, alerte Rimmel dans la chanson du jour. Attention. Fun Radio. Le son. Dance Floor. Vous vous réveillez avec Fun Radio, ce sera votre réflexe toute l'année. Soyez les bienvenus, on fait le point sur l'actu tout de suite avec Maxime. Maxime Poulaouec. Poula Poulaouec. Poula Poula Poulaouec. Ça va Maxime? Ça va, on va l'enregistrer en single. Il est content de son générique. Content. Bon, allez, on attaque avec la météo, Max. Oui, du beau temps sur toute la France aujourd'hui. Quelques nuages dans le nord-ouest en matinée. Les températures sont estivales. 15 à 20 degrés ce matin. Dans l'après-midi, prévoyez 18 à 21 en Manche. 25 à 30 degrés en moyenne. De la maternelle au lycée, plus de 12 millions d'élèves font leur rentrée scolaire aujourd'hui. Une rentrée rythmée par les réformes éducatives du quinquennat à 8 mois de la présidentielle. Les 64 000 établissements sont placés sous la surveillance de 3 000 réservistes face à la menace terroriste. Emmanuel Macron prend le risque. L'ex-ministre de l'économie se confie ce matin dans le journal Ouest France. Il justifie son choix au nom de la cohérence et verra en temps voulu la question de sa candidature à la présidentielle de 2017. Le Brésil a un nouveau président. Michel Temer succède à Dilma Rousseff, destitué hier par le Sénat pour maquillage des comptes publics. Il dirigera le pays jusqu'à fin 2018, date des prochaines élections législatives et présidentielles. Le football, 2 mois après la finale perdue de l'Euro, la France entame une nouvelle aventure aujourd'hui. Ça commence par un amical ce soir à 21h en Italie. Les Bleus ont dans le viseur la Coupe du Monde 2018. Il faudra passer par les qualifications qui commenceront mardi prochain en Biélorussie. Côté Mercato, les transferts sont terminés depuis minuit et Nice enregistre l'arrivée de Mario Balotelli gratuitement en provenance de Liverpool. David Luiz quitte le PSG et retourne à Chelsea pour 30 millions d'euros. Et puis ils font leur retour aujourd'hui. Les Black Eyed Peas sortent une reprise de Where is the Love pour lever des dons en faveur des victimes de violences policières. Ça passe depuis cette nuit sur Fun Radio avec notamment Usher, Justin Timberlake ou encore Mary J. Blige. Bon réveil sur Fun. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Bruno dans la radio. Il a la classe. 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. Jeudi, c'est le 1er septembre, c'est Fun Radio. Bon réveil. Et bonne rentrée avec le nouveau Tal là, qui va arriver dans quelques secondes. Tal qui revient en anglais. Are we awake? DJ Snake, Justin Bieber aux alentours de moins le quart. Let me love you. Et si on a le temps avant 8h, promis Galantis avec No Money. Bon, arrêtez tout là sur Twitter. Stoppez tout, on a tué le game. On a lancé ce matin dès 6h le hashtag tu sais que c'est la rentrée quand. Et là, je pense qu'on a atteint le nec plus ultra de la crème de l'élite, de la cerise sur le gâteau, puisque le hashtag a été utilisé par le ministère de l'Éducation nationale. Mais non. Ah, Najat Vallaud-Belkacem. Voilà la classe. Avec ce tweet, bonne rentrée 2016, hashtag tu sais que c'est la rentrée quand. Donc même si maintenant le ministère utilise les hashtags qu'on lance sur Fun Radio, je pense qu'on est refait. On peut faire sauter nos PV, rouler en double fil, faire ce que l'on veut toute la journée. Bof, nous avons sous le feu et juste avant, oui pas sur le feu, sous le feu, parce que sous le feu il se brûle, sous le feu il risque rien. Nous avons Véronique, notre professeur d'anglais. T'as quelle classe, Véronique? Alors moi, je vais de la quatrième à la licence, en fait. Voilà. Et t'es prof d'anglais? Ouais. Du côté de Granville? Du côté de Granville, oui. Dans la Manche. Big City, comment dire en anglais? C'est la gueule? Big City, Granville. Big City, yeah, very nice city. Michael est à Agen. Bon, pour l'instant, c'est Véronique qui mène à la une réponse. Michael! Ouais. C'est le choc des générations. On pose des questions de vieux aux jeunes, des questions de jeunes aux vieux. C'est ta question à toi là, Mickaël, pour essayer de te rattraper. Si jamais t'as pas la bonne réponse, c'est sûr et certain, c'est Véronique qui gagne le portable. D'accord ? Ok, ok. Attention, question de vieux pour toi. Mickaël, qui a été numéro 1 au top 50 en 1990 avec cette chanson ? Il est beau, il est beau le lavabo, il est né le bidet. Oh, eh, oh, oh, oh, eh, eh, eh, oh. Ouais, ça a été numéro 1. Oh, il est laid, hey, il est laid, hey, il est beau. Oh, il est beau le lavabo, il est né le bidet. Oh. Est-ce que tu sais qui c'est, Michael? J'hésite. Vas-y. Je crois qu'il allait dire j'hésite. Non, je dirais... Jean Dujardin, mais c'est pas ça. Oh non. Jean Dujardin en 90, il devait avoir quoi, 12 ans. Aussi, ouais, il était petit. Il aurait pu, ouais. Non, c'était Vincent Lagaffe, mec. Ouais. Ah ouais. C'était un énorme succès. Ah ouais, je te confirme qu'il s'est fait. Avant ou après la Zoubida ? Des Yux en or. C'était avant. Michael, je suis désolé. Tu ne fais pas honneur à ta génération qui part faire sa rentrée aujourd'hui. La gagnante de ce matin est une prof. Applaudissements pour Véronique. Ouais. Ben voilà, ça m'a bien servi. Victoire des profs ce matin, tu repars avec un PC portable, Véro. Génial, super, merci la famille, je vous adore, je vous écoute tous les matins depuis des années, justement avant d'aller en cours pour être un petit peu au niveau de mes élèves et ça marche. Eh ben écoute, tu sais quoi, ça fait plaisir. Mickaël, t'as pas tout perdu, on t'offre l'agenda Fun Radio, d'accord mon pote? Ok, merci beaucoup. Bonne rentrée à tous les deux. Have a good journée, Véro. Bonjour et goodbye à tes amis anglish. Ouais. Et complètement bilingue. Problème, thank you, t'es bilingue pas encore. Hein. On t'embrasse, Véro. On a comme un petit problème. Oh. Le jeudi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du jeudi. Faites sonner le clairon pour Audrey. Bonjour. Bonjour, Audrey. Bonjour, Bruno. Bonjour, la famille. Coucou. Chanson du jour, on tente de régler des problèmes en chanson. Tu m'as écrit à bruno@funradio.fr. Tu veux que l'on appelle ta sœur Christelle qui a 2 ans de plus que toi, c'est bien ça? Oui. C'est ta sœur. Vous étiez super proches, mais tu me dis vous étiez, puisque elle s'est mariée au mois de juillet avec Jérémy. Oui. Et il y a eu un problème de famille. Problème de famille, ouais, c'est quoi? C'est que la belle famille ne s'est pas mélangée avec ta famille à toi. Oui. Tes parents ont fait des remarques et du coup, bah, ta sœur a coupé les ponts. À peu près, ouais. Ah oui. Et donc là, vous vous êtes pas parlé depuis le mariage? Si, on s'est reparlé mardi, on est resté un moment au téléphone, et bah, apparemment, elle m'en veut pas à moi, elle en veut à mes parents et à la famille de Jérémy, en fait. D'accord. Et donc, alors, voilà. C'est quoi le message? Le message, c'était pour qu'elle revienne, finalement, parce que ça nous manque, elle me manque à moi personnellement, et elle manque à toute ma famille, quoi, mes parents et mon frère. Hein. Et puis même, elle a un enfant de 2 ans, et finalement, on le voit pas, ça fait un mois et demi que je l'ai pas vu. Après, ouais. Ça chiale beaucoup à 2 ans, un enfant, c'est pas plus mal. Hein. Ouais. Bon, Audrey. Oui. Hors antenne, il y a ta sœur qui attend. On va lui faire passer le message en chanson. Puis après, tu vas lui dire tout en direct. D'accord, ma belle. Ça va aller? Oui. Bon, tu bouges pas. Au téléphone avec nous ce matin, il y a Christelle. Bonjour, Christelle. Bonjour. Christelle, je m'appelle Bruno Guillon et tu es en direct sur Fun Radio. D'accord. Sois la bienvenue, Christelle. Ben bonjour, merci. Bienvenue à toi. Si t'es là ce matin, c'est qu'on a un message à te faire passer, c'est une chanson. D'accord. J'aimerais que t'écoutes les paroles de cette chanson. C'est un message de la part de ta sœur, Audrey. D'accord. Okay. T'écoutes les paroles et on en parle juste après? Ça marche. Et ben top chrono, c'est parti. Je crois qu'il est temps de parler, car de notre côté on a Audrey, qui est vraiment peinée de plus être aussi proche de sa sœur adorée. Elle aimerait comprendre pourquoi tu t'es tant éloigné, pourquoi tu donnes autant de nouvelles qu'une cousine éloignée ou que Magali va et. Elle veut que tout revienne comme avant, quand c'était le bon temps, quand tu étais sa pote à la compote, c'était top. Elle est là pour arranger les choses, pour que vous puissiez passer à autre chose. Alors quoi qui ait pu te vexer, elle est là ce matin pour le régler. Elle a fait le premier pas, alors ça ne tient qu'à toi. Ne nous déçois pas. Alors que dirais-tu de tout oublier et tirer un trait sur le passé? Christelle. Oui. Est-ce que tu as compris le message? Oui, mais j'ai pas reconnu la chanson. Ah non, mais le but c'est pas de reconnaître la chanson, le but c'est de comprendre les paroles. T'as compris les paroles? J'ai gagné un cadeau. C'est pas un jeu, hein. Le but c'était de te faire passer un message, Christelle. Est-ce que t'as compris le message? Oui, je sais, oui. Bon. Pas de souci. On va en parler dans quelques secondes si tu veux bien. Tu peux rester avec nous un petit moment? Oui. Bah, tu nous donnes 2-3 minutes. Hein. Non, t'inquiète, pas pour faire ça vite. On est rapide, nous. Audrey? Oui. Ouais, je crois que ça sent pas mauvais. Va. On va revenir en direct sur Fun Radio. Il y aura également DJ Snake. Et le JPI, là, dans le quart d'heure. A tout de suite. Par-

On assure. 6h-9h sur Fun Radio. Bon réveil la famille, merci d'être là, c'est Fun Radio. Voilà, nous sommes vos amis du réveil. Toute la team Bruno dans la radio, on est là, on est au taquet. Il y a Christina, il y a Vacher, il y a Yot. Et on est là avec vous les copains, tous les jours, toute l'année, jusqu'à la fin du mois de juin. On jusqu'à va être la fin de votre vie, ouais. On va vous la rendre facile cette rentrée. Et je voulais juste lire un petit message que je viens de recevoir. C'est Laetitia Dos Santos qui a dit: première rentrée pour mon petit garçon. C'est trop dur, je pleure déjà. Bon courage à toutes les mamans, la journée va être dure. Ouais. C'est beaucoup la première rentrée pour beaucoup de jeunes mamans. Et bah nous on a chialé quand le Portugal a gagné la finale de l'Euro. Hein, on nous fait pas chier, Dos Santos. Hein, la famille Dos Santos, vous nous l'avez mis profond au début du mois de juillet. Chacun son truc, bah chiale maintenant. Eh oui, DJ Snake, Justin Bieber. C'est le titre, Let Me Love You, ça arrive. Et puis la chanson du jour de ce matin, il y a Audrey qui voulait faire passer un message à sa sœur Christelle, voilà, parce qu'il y a eu un petit souci au mariage, mais j'ai l'impression que ça s'était déjà un peu arrangé avant qu'on fasse le sujet de ce matin. Christelle, t'avais l'air assez détendue, ma chérie. Oui, parce qu'on en avait déjà parlé un peu. Bon, et donc alors Christelle disait que vous en aviez déjà parlé, certes, Audrey, mais toi Audrey, ce que tu voulais, c'est que elle reparle également au reste de la famille. Voilà, c'est ça, parce que mes parents, ils sont vraiment tristes depuis l'avoir. Bah, après, je sais qu'elle travaille beaucoup, mais je pense que c'est pas une excuse non plus, quoi. Christelle, voilà. T'es prête à faire un effort avec les parents, avec le reste de la famille? Mais oui. Bon, bah voilà. On n'a qu'une famille, mec. C'est quoi, mais bien sûr. Et oui. Et puis, il y a des trucs sur le coup de la colère, voilà. Puis, ça t'a permis d'être peinarde cet été sans aller voir tes parents, pour pouvoir aller te bronzer un peu. Et puis là, voilà, c'est la rentrée. Ouais. C'est la rentrée. À la rentrée, on peut retourner chez les parents. Bien sûr, surtout qu'il y a Noël qui approche. Tu serais content d'avoir des cadeaux de tes parents. Bien sûr. Voilà. Alors, reparle-leur. Enfin, que le Père Noël demande aux parents. Je rappelle bien sûr, c'est la rentrée. Bien sûr. Christelle, Audrey, les filles, on vous embrasse. Merci, bisous. Bonne journée, bisous. À toutes les deux. Ouais, bon, ça va. Et j'aime bien attaquer la rentrée avec un sujet, voilà, qui se passe bien. Ça fait plaisir. On n'a pas eu à pleurer, franchement, ça fait plaisir. Le JPI, c'est le journal point d'image, c'est le faux journal de l'émission, ça va arriver. Dans les nouveautés de cette année, là, pour ceux qui se réveillent ce matin, on a une rubrique qui s'appelle Brioche au croissant. Et c'est Elise et Moon qui va devoir choisir. Ce sera tout à l'heure, 8h du matin. Et puis le JPI, là, juste après Snake. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Give up. Justin Bieber et Snake. Salut, c'est DJ Snake. Le matin, on se réveille avec Bruno dans la radio sur Fun Radio. Mais oui, mon poteau. Bon réveil à vous. Merci d'avoir choisi Fun Radio. On a lancé le hashtag ce matin. Tu sais que c'est la rentrée quand dès 6h. On est en top tweet France là depuis 6h10. Il y en a plein qui arrivent. Il y a Cyril qui est un fidèle de l'émission qui dit tu sais que c'est la rentrée quand ta mère t'accompagne à l'école pour être sûr que t'y vas. C'est vrai. Et puis Iron Phil aussi qui dit tu sais que c'est la rentrée quand tu as de la place à la plage. Yeah. Ah, lui, ouais, à mon avis, il rentre pas aujourd'hui. Ouais. Enfoiré. Le son de Fun Radio pour vous tirer du lit, pour vous emmener là au collège, au lycée. No Money Galantis. Le JPI sur Fun Radio. C'est le journal pour une image, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la toute deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Gilles. Gilles, mais qui porte ce prénom de merde en 2016 Mon père. Ah, pardon. Le mien aussi. On les embrasse. Et pour commencer, calendrier. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de septembre et la rentrée scolaire. En gros, on est aussi éloigné des vacances d'été que Loana de son poids quand elle est sortie du loft. Oh. Éducation, aujourd'hui, c'est donc la rentrée scolaire. Pour tous les policiers municipaux qui nous écoutent, la rentrée, c'est quand on va à l'école. Et l'école, c'est là où on apprend à parler et à compter. Oh. Aujourd'hui, on le répète, c'est la rentrée des classes. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis justement devant une école avec des petits écoliers qui vont faire leur première rentrée scolaire en CP. Alors les enfants, qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que vos parents vont vous abandonner avec des gens que vous n'avez jamais vus, dans un endroit où vous n'avez jamais été, avec des dames qui vont vous forcer à manger des choses dégoûtantes? Bon, alors on vous apprendra la pédagogie un jour, Anthony, hein, la suite. En même temps, c'est bien résumé, hein, c'est tellement ça. Et pour finir, si vous aimez les rappeurs et les gâteaux, découvrez Chris Brownie. Voilà, c'est la fin du JPI. À tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. On a été la première radio en France à vous diffuser cette nuit le tout nouveau Black Eyed Peas, qui est en fait une reprise mais orchestrée différemment de Where's the Love, avec plein de guests à l'intérieur. Si vous l'avez raté, on vous le repassera là dans le quart d'heure. À 8h10, je vais payer de la facture et là pour l'instant c'est Galantis et c'est sur Fun Radio. Sorry, I ain't got no money. Hashtag, tu sais que c'est la rentrée quand? On l'a lancé ce matin là sur Fun Radio. Il y en a un qui me fait marrer, c'est Sancho qui vient de le tweeter, Grégory Sanchez. Tu sais que c'est la rentrée quand tu revois la gueule de ceux que t'as évité pendant toutes les vacances. C'est tellement ça. Where's the love, yo? I don't... Black Eyed Peas, ils ont repris les paroles de Where's the Love, le tube à 10 ans, ils l'ont réorchestré, ils ont mis plein de guests dedans. C'est leur nouveau single, vous l'avez découvert en avant-première sur Fun Radio, premier à vous le jouer là dans la nuit. On vous le repasse dans quelques secondes et puis le brioche au croissant d'Elysée Moon qui arrive, à tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro. C'est Fun Radio. Kungs. Martin Solveig. Lion. Ugel. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Bon, les enfants, rangez les pelles et les seaux. Chérie, on plie les bagages. Les vacances, c'est fini. Ouais. Et oui, il y a des rentrées qui donnent envie de rentrer. Avec Cdiscount, soyez remboursés jusqu'à 100% sur vos achats du 29 août au 14 septembre sur plus de 400 000 articles. Cdiscount. Vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Offre sur une sélection de produits. Conditions complètes de l'offre sur Cdiscount. C'est cette année ? Oui, j'appréhende la rentrée. Tout est prêt, cartable, cahier, crayon. J'ai tout prévu, ça coûte. Et pour l'assurance scolaire ? C'est la Matmut. Pour l'entrée en maternelle ou en CP, c'est 12 euros par an. C'est un bon départ pour les petits, la Matmut. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. Géant, la rentrée à prix bas ? C'est Géant. 10 sur 10 sur les économies. Et mention très bien sur les prix bas chez Géant. Jusqu'à dimanche, recevez un bon d'achat de 30% sur tous vos achats de fournitures scolaires. Oui, 30% en bon d'achat sur les fournitures scolaires. C'est Géant. Et avec votre carte fidélité, cagnottez 10% supplémentaires. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable dans tous les magasins du 5 au 11 septembre. Attention, nouvel événement Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bbox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec 170 chaînes TV, oui. Plus le replay, oui. Plus 5000 films en VOD. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bbox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3 euros par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a ? La rentrée approche et j'ai rien à me mettre. Bah fais comme nous. Pour additionner look de ouf et nouveauté sans se ruiner, on va chez Célio. Regarde, en quelques clics, t'es branché sur leurs actus, les tendances et les bons plans. Tiens, en ce moment en magasin, avec l'offre 1 plus 1 égale 3, pour deux articles achetés, le troisième est offert. Pour deux articles achetés seulement, le troisième est offert ? Eh ouais. Allez les gars, on fonce chez Célio. Voir conditions de l'offre en magasin ou sur celio.com. Rejoignez-nous sur notre page Facebook. Bougez pas, Bruno. Bon, on a changé les règles du jeu des 30 secondes à 8h30. C'est-à-dire que celui qui gagne dans l'équipe revient le lendemain. Il va tenter une troisième victoire aujourd'hui, c'est Vaché. Bonjour. Ce sera tout à l'heure, 8h30. Vous pouvez repartir avec un iPad Air 2 3228 pour jouer avec nous. Fun Radio. Le son Fleur. Le point sur l'actu de cette journée, c'est Maxime Poulaouek, musique. Allez. Maxime Poulaouek, Poula Poulaouek, Poula Poula Poulaouek. Depuis qu'on lui a sorti ce générique, on l'a lancé aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se la pète un peu dans les rêves. J'ai ma chanson. Il a croisé dans les étages Yves Calvi d'RTL, puisque c'est la même maison, il ne l'a même pas regardé. Ouais. C'est Calvi qui lui a dit, excusez-moi, vous êtes le monsieur de Poula Poula Poulaouek. Ouais, si avec Yves Calvi, ça marcherait moins bien. Tu vois, c'est vrai. Allez, on commence avec la météo, Max. Du beau temps aujourd'hui sur tout le pays. Le soleil brillera jusqu'à dimanche. Ensuite, le ciel s'encombrera par la Manche avec le retour de la pluie. Les températures ce matin comprises entre 15 et 20 degrés. Dans l'après-midi, il fera 24 à Amiens, 26 à Rennes, jusqu'à 27 à Paris, 30 à Bordeaux, 31 à Perpignan. Coup d'envoi de la rentrée 2016-2017. Plus de 12 millions d'élèves font leur retour dans les salles de classe aujourd'hui. De la maternelle au lycée, François Hollande est attendu dans la journée dans une école à Orléans. Cette rentrée est marquée par les réformes éducatives du quinquennat à 8 mois de la présidentielle. Les justifications d'Emmanuel Macron, l'ex-ministre de l'économie, se livrent ce matin dans un entretien accordé au journal Ouest-France. Le leader du mouvement En Marche justifie son choix au nom de la cohérence et explique qu'il prend son risque, mais qu'il verra en temps voulu la question de sa candidature à la présidentielle de 2017. En foot, les Bleus de Deschamps retrouvent les pelouses ce soir à Paris pour un match amical contre l'Italie. Début de la rencontre à 21h. Il s'agit du premier match depuis la défaite en finale de l'Euro contre le Portugal. Le mercato estival est terminé. La Ligue 1 enregistre l'arrivée de la star italienne Mario Balotelli en provenance de Liverpool. L'attaquant s'est engagé gratuitement en faveur de l'OGC Nice. Le tennis, la France a déjà 3 représentants au 3e tour de l'US Open de New York. Tsonga, Monfils et Pouille se sont qualifiés hier soir. Gilles Simon et Jérémy Chardy sont attendus sur les courts dans la soirée. Il est 8h04. Merci d'avoir choisi Bruno sur Fun. Attention, en écoutant le programme qui va suivre, vous allez vivre une expérience générationnelle. Par la seule magie des ondes radio, en l'espace de quelques secondes, vous allez être connecté, lié, avec des millions de personnes près de vous. En France, en Belgique et dans le monde entier, vous allez découvrir une famille. Vous allez faire partie de cette famille. Une famille de cœur, une famille de couleurs sur laquelle vous pourrez toujours compter. Vous allez créer aujourd'hui vos meilleurs souvenirs de demain. Vous vous sentiez seul en vous levant le matin ? Désormais, vous ne l'êtes plus. Bienvenue dans la famille Bruno dans la radio. Une famille faite d'amour, de déconne, d'émotion. Et de prout aussi. Eh oui, car après tout, on est entre nous. Jeudi, c'est le 1er septembre. Vous avez choisi Fun Radio pour vous réveiller. Soyez les bienvenus, les amis. Il est 8h06. Bonjour! Bonjour! Dès cette nuit, c'était chez nous. Le nouveau Black Eyed Peas est tombé cette nuit. Première diffusion en France sur Fun Radio. C'est une reprise de leur titre Where's the Love d'il y a 10 ans, réorchestré différemment. Et avec plein de surprises dedans, il y a du guest, en veux-tu, en voilà. On va vous filer la liste là, de tous les gens qui chantent sur le titre et puis on va écouter le morceau en entier dans moins de 5 minutes. Ils ont eu raison de le reprendre, Bruno, parce que je trouve que les paroles sont plus actuelles que jamais. Merci. Et c'est quoi les paroles Où est l'amour Où est l'amour C'est vrai que c'est plus actuel que jamais. Le remix de Coldplay. Aimed for the weekend. Ce sera avant 8h30, 8h10, je vais payer de la facture, 8h30, il y aura le jeu des 30 secondes, nouvelle règle du jeu des 30 secondes, vous choisissez toujours quelqu'un de l'équipe qui tente de vous faire gagner, mais celui de l'équipe qui gagne revient le lendemain, il tente une troisième victoire ce matin, ce sera Vaché. Bonjour, et je crois que j'ai le record cette année de longévité de ce jeu. Ouais, enfin, on a commencé lundi, on est toujours pas. Je sais que ça va bientôt changer, c'est pour ça que j'insiste dessus. Ça va Elliot ? Oui, moi tout va bien, très bien. Il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour ! Et ce hashtag qu'on a lancé dès 6h du matin, Top Tweet France dès 6h10, c'est le sujet forcément dont on parle le plus dans la tweetosphère depuis le début de la matinée. Le hashtag, tu sais que c'est la rentrée quand ? On vous en a lu plein, il y en a plein qui arrivent encore là par tonne. On a passé le cap des 5000 tweets là depuis tout à l'heure. Tu sais que c'est la rentrée quand tu te tapes tous les livres à couvrir. On couvre encore les livres en 2016 Je pense, pour qu'ils resservent l'année d'après. Ouais. Oh, c'était une tannée ça. Ouais. Mais sinon, c'était les mamans qui le faisaient. Ouais. Ouais. Sinon tu récupérais pas la caution. Nous on laissait une caution. Ouais. Oh, et si le livre était abîmé, parce qu'en fait ils étaient prêtés. Et quand on les rendait, s'ils étaient abîmés, tu perdais ta caution. Ça, je m'en souviens parce que, en première S, j'avais eu ça avec mon livre d'histoire. J'avais rendu le livre, mais il n'y avait plus aucune carte. Je les avais toutes découpées au cutter parce que je les coupais pour faire des antisèches. Plutôt que de les photocopier, à la fin, j'en avais ras-le-bol. Et donc, du coup, mes parents m'étaient obligés de payer le bouquin. Ça les avait fait rire moyen sur le truc. Moi, les antisèches, j'imprimais des trucs, police, je donne la technique, tu mets caractère 6, ok ouais. T'imprimes et comme ça, c'est tout petit, t'arrives à lire et tu mets dans ta trousse. Et tu cachais dans la trousse hein. Ouais. Tu sais que c'est la rentrée quand t'as une nouvelle trousse. Ouais, ah oui, c'est vrai. Mais elle est propre que le premier jour. C'est vrai, tu sais que c'est la rentrée quand t'as une nouvelle trousse qui est propre avec des stylos propres dedans. Ouais. Tu sais que c'est la rentrée quand ta gomme est encore blanche aussi. C'est vrai. Mais tu sais que c'est la rentrée quand justement tous tes trucs sont nouveaux et t'es content et tu les sors et ça te fait plaisir que le premier jour avec tes nouvelles fringues, tes nouvelles chaussures. C'est ça le kiff de la rentrée. Mais il n'y a qu'une journée de kiff, c'est aujourd'hui. Bah, il y a Céline justement sur Twitter qui dit « Tu sais que c'est la rentrée quand tout le monde est en mode beau gosse à 7h du matin. » Oui, c'est vrai. Il n'y a que ce jour-là. « Tu sais que c'est la rentrée quand en allumant la radio. » Tu retrouves l'équipe de Bruno dans la radio. Et tu sais que c'est Fun Radio quand il y a des nouveautés, quand on change des choses. Parce que on aime bien faire tout le temps pas pareil le matin sur Fun Radio. Vous vous disiez pas, ils s'assoient sur leur laurier, l'émission est en train de cartonner, ça y est, ils nous ressortent les mêmes rendez-vous tout le temps. Non ! La preuve maintenant. Nous avons une nouvelle rubrique qui s'appelle Brioche ou croissant. Chaque jour, nous prenons une personnalité qui, pendant une minute, doit faire des choix. C'est le principe de brioche ou croissant. Vous allez comprendre, c'est Elise et Moon ce matin qui s'y colle. Brioche ou croissant ? Go ! Ni l'un ni l'autre, moi c'est plutôt tartine grillée. Alors, bon, s'il faut choisir, allez, on va dire croissant. Jeux vidéo ou jeux de société ? Plutôt jeux de société. Scrabble. Neuf ou d'occasion ? Ah, d'occasion. Excepté les filles, bien sûr. J'adore m'acheter des trucs qui ont déjà servi pour détourner les objets. Pizza ou sushi ? Pizza. J'adore les pizzas. Allumette ou briquet ? Plutôt briquet. Allumette, je pratiquais quand je savais pas me servir d'un briquet. Donc briquet maintenant. Capuche ou parapluie ? Ce serait plutôt, en fait, moi, c'est plutôt la capuche. Comme ça, on peut faire des trucs et tout. Et puis voilà, on ne reconnaît pas trop, quoi. Alors que parapluie, ça fait fiotte. Pina colada ou mojito ? Ni l'un ni l'autre, parce que je bois pas d'alcool, en fait. Jus d'orange pressé. Au lit, mot d'amour ou langage cru ? Ah, mot d'amour. Ah non, non, non, langage cru, non. Un jour, on m'a proposé d'être un petit peu sauvage, d'être un petit peu vulgaire, mais j'avais l'impression que j'étais dans un film, dans un mauvais film. Je préfère dire je t'aime plutôt que salope. Remarque, il y a je t'aime, salope. C'est vrai que ça marche. Ça marche les deux aussi. Il est fort, Elise Wood. Dans 5 minutes, je paye de la facture. Voici le retour des Black Eyed Peas. Alors, je le disais, reprise de Where's the Love, le titre des Black Eyed Peas qui date d'il y a une dizaine d'années. Sauf que là, ils ont rajouté des gens dedans. Il y a Usher, Mary G. Blige, Didi, Jamie Foxx, Nicole Scherzinger, Jaden Smith, c'est la fille de Will Smith, ou le fils, je sais plus bien, et Justin Timberlake. Les infos approximatives avec Christina. Ça a été cherché. Hein. Il y a Jay-Z ou Michel Sardou, je sais plus. Ça, c'était la version originale. Première diffusion en France cette nuit du nouveau Black Eyed Peas. On le réécoute maintenant, là, sur Fun. People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you preaching? Would you turn me other cheek again? Mama, mama, mama, tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, father, father, help us. Sense of guidance from above. 'Cause people got me questioning. Where's the love? Yeah, what's going on with the world, mama? Where's the love? Yeah, people living like they ain't got no mama. Where's distracted by the drama and attracted to the trauma, mama. Where's the love? I think they don't understand the concept or the meaning of karma. Where's the love? Overseas, yeah, they're trying to stop terrorism. Where's the love? Over here on the streets, the police shoot the people, put the bullets in them. Where's the love? But if you only got love for your own race, where's the love? Then you're gonna leave space for others to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Madness is what you demonstrate. And that's exactly how hate works and operates. Man, we gotta set it straight. Take control of your mind, just meditate. And let your soul just gravitate to the love so the whole world celebrate it. People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Mama, mama, mama, tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Mm-hmm. Father, father, father, help us. Send some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Where's the love? It just ain't the same, always a change. Where's the love? Days are strange, is the world insane? Where's the love? Nation dropping bombs, killing our little ones. Where's the love? Ongoing suffering as the youth die young. Where's the love? gets murdered or a cop gets knocked down. Black lives not now, everybody matter to me. All races, you don't like what I'm saying? Haterade, tall cases, everybody hates somebody. Guess we all racist. Black Eyed Peas do a song about love and y'all hate this. All these protests with different color faces. We was all born with a heart, why we gotta chase it? And every time I look around, every time I look up, every time I look down, no one's on the common ground. And if you never speak truth, then you never know a love sound. Where's the love? And if you never know love, then you never know God. Where's the love? Where's the love, y'all? I don't know. Where's the truth, y'all? I don't know. People killing, people dying, children hurting, hear them crying. Could you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Where's the love? Where's the love? Love is the key. Where's the love? Love is the answer. Where's the love? Black Eyed Peas, le nouveau Where's the Love sur Fun Radio. In for the Weekend, Coldplay qui va arriver dans quelques secondes. On s'est tapé un délire tout à l'heure ce matin. Il y a plein de gens là qui m'ont fait des trucs. J'en ai même eu sur Snapchat. Je me suis tapé un délire il y a une heure. Je disais, ouais, la rentrée des classes. Tu sais que c'est la rentrée quand tu ressors ta flûte. Ah oui, oui. Quand t'es en 6ème ou en 5ème, les cours de musique avec la flûte, c'est 6ème, 5ème. Après, on arrête, je me souviens plus. Non, c'est jusqu'en 3ème. Mais non, en 3ème, on prend pas la flûte. Ah, moi, j'ai continué jusqu'en 3ème. Non, mais la flûte en 3ème, tu t'en sers pour faire un bang. Mais je crois, tant que les cours de musique, c'est toi qui as raison, ça va jusqu'en 5ème. Après, il n'y a plus de cours de musique du tout. Et donc, j'ai dit, voilà, on est tombé sur une nana qui fait des tutos de flûte. Elle a que ça à foutre déjà. Mais alors surtout, c'est pas top top quoi. C'est-à-dire qu'elle, elle est persuadée, elle est en enflammade de je gère, ouais. Alors que la gestion est pas ouf. Ouais, vous savez quoi, j'en ai récupéré quelques-uns. Je vous fais un quiz flûte dans quelques secondes. Ah génial. C'est-à-dire je vous passe des morceaux, vous devez les identifier. Okay. Elle a essayé de jouer des trucs modernes et on peut prendre du monde au standard. Luzman, ça va Luzman? On n'avait pas entendu Luzman depuis longtemps. Ça va ou pas Luzman? Très bien. Amélie, ça va bien? Ça va bien. Ah, c'est... Ouh, Amélie a parlé près du micro. Hey, en général, tu dis Amélie, ça va bien? Ça va plutôt pas mal. Allume ton micro. Et vous savez quoi, vous pouvez jouer. On a ce matin tout un tas d'agendas à la Fun Radio à filer. Bah, venez jouer avec nous. Un quiz flûte dans quelques autres, c'est un bon truc de rentrer. Allez, pour l'instant, je paye de la facture. Bruno. Allô? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h10, 8h10 en direct sur Fun Radio. Bon, disons 7h15, 8h15. D'ailleurs, tu sais quoi, à partir de maintenant, cette année, je dirais 7h15, 8h15. Ouais, c'est mieux. On a pas fait 8h10. La dernière fois, c'était il y a 3 ans, je crois. Ça sert à rien à un moment. Si les gens attendent chez eux qu'on les appelle à 8h10, il y a peu de chance. À 8h15, oui. Comment ça se passe pour qu'on paye des factures, Christina? Bah, c'est très simple. Vous faites une copie, vous l'envoyez par courrier à Fun Radio, 20 rue Bayard, 75 008 Paris. Ou bien alors, vous la scannez, ça va plus vite, et vous l'envoyez par mail facture@funradio.fr. Mais est-ce qu'on peut se faire payer ces factures même si on nous écoute à l'étranger, par exemple, bah, via funradio.fr, il n'y a pas de souci? Non, bien sûr. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, je pense à Teddy, ce fermier dans le Kentucky qui nous écoute à l'intérieur de sa moissonneuse-batteuse. Sachez, savoir que lui aussi va pouvoir se faire payer ses factures, je pense que ça va lui faire plaisir. Je l'imagine déjà en train de dire... Oh, first time I heard Bruno pay your bills. Ah, j'ai entendu happy. Bruno payer les factures, même aux États-Unis. Moi, j'ai toujours happy. Plein de factures avec ma famille. Ça me rend heureux de savoir que je vais pouvoir me faire rembourser. You say, oh my God, your dick is a monster. Et là, je me dis, oh là là, mais cette facture est tellement grosse en plus. I'm hungry. On va partir ce matin du côté du Kentucky, mais du côté de Saint-Émilien de Blain. Mais c'est en Loire-Atlantique, elle est. Exactement. Allô. Allô, Florian. Oui. Bonjour, Florian. Salut, salut Bruno, salut la famille. Eh ben voilà, ça y est, hop, il a trouvé. Je vous écoute, attends, bravo. Merci. Florian, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as quel âge à Saint-Émilien de Blain? J'ai 27 ans, je suis chauffeur livreur. D'accord, tu livres quoi? De tout. D'accord. Tout pour les entreprises. D'accord, très bien. T'as repris le boulot, t'as eu des vacances ou pas cet été? Ouais, j'ai eu 3 semaines, là, j'ai repris la semaine dernière. T'es parti où? Nulle part. Nulle part, c'est très sympa. Moi, je suis déjà parti nulle part, et l'avantage de nulle part, c'est que tu passes des vacances à pas cher, en général. Ouais, c'est ça. Bruno, prends ma main pour sortir de cette vanne nulle. Viens, je t'emmène avec moi. Ah bon. Mais dites donc, ne savais pas que nous avions désormais dans cette émission le juge de la vanne. Oh là là. Asseyez-vous, oh la cour. Non mais. Juge de vanne. Oh là là là. Excusez-moi, moi, Maître Elliot. Mais c'était pour faire un bon mot à la base. Excusez-moi, je suis Monsieur Vacher, l'avocat de, bonjour, de Monsieur Elliot Chalmette. Oui, alors. Il s'est mal exprimé. Oui. Voilà. Il n'est pas rentré dans la blague, je pense personnellement qu'elle était pas mal, mais c'est parce que mon client a lui-même de très très bonnes vannes. D'accord. Il peut vous le prouver tout de suite. Ah, d'accord. Alors, si, il peut me le prouver, très bien. Sinon, j'autorise la peine de mort s'il sera. Alors, voilà. Une bonne vanne, Elliot, tout de suite. Allez-y. C'est Toto qui rentre dans un café et plouf. Alors vous allez me dire oui. On l'a entendu 1254 fois cette vanne. Je suis assez d'accord. Vous savez quoi? On a prévu pour t'écouter la radio, Florian, là en ce moment. T'écoutes, Fan? Ouais. Dans quelques secondes, j'ai dit qu'on allait faire un quiz avec quel instrument? Une flûte. Voilà. Elliot, tu vas te retourner, hein, s'il te plaît. En tant qu'avocat, je valide. Florian, tu m'as envoyé une facture pour un iPhone 5C. Ouais. Eh bien, tu sais quoi? Cet iPhone, c'est moi qui le paye. Voilà, c'est tout. Allez, hop, ça s'applaudit. Bravo. Merci. Parce que c'est comme ça tous les matins. Bon courage pour le boulot, Florian. Ouais, bah, merci. On t'embrasse. Ouais, bah, bonne journée. Ciao, ciao. Salut. Elliot, il s'est pris la confiance d'un coup. Non, mais alors... Vu que je répète pas mes blagues, elles me viennent comme ça. Elles loupent, elles foirent, quoi. Ce qui est chaud, c'est qu'on était dans un repas de famille où tout le monde rigole, ouais, tu vois. Il y en a toujours un qui balance une phrase qui casse l'ambiance. Et c'était là, quoi. C'est Elliot. Désolé. Ça c'est Bruno qui joue de la flûte. Ah, c'est pas mal. C'est pas bien non plus. On est sur Fort Radio, on se fait un petit quiz flûte, là, dans moins de 3 minutes. À tout de suite. Fun Radio présente l'Inox Park sur l'île des impressionnistes de Chatou. Hey, samedi, à partir de 16h, Fun Radio vous fait vivre l'événement en direct avec JB, Mika, Adrien Thomas et Miko C. Retrouvez les interviews et les mix des plus grands DJ de la planète avec Nervo, Don Diablo, WNW, Hi, it's Chucky, Tujamo. Salut les Space Invaders, c'est Joachim Garraud et beaucoup d'autres. Inox Park. L'Inox Park. En direct de l'île des impressionnistes de Chatou. C'est exclusivement avec Fun Radio. Prêt pour le grand voyage? Les sons Dance Floor. Jusqu'au 13 septembre, chez Conforama, les tops de la rentrée vous attendent à prix coûtant. Comme le canapé Duncan à 74,83€ seulement. Avec un prix comme ça, ceux qui veulent faire des économies peuvent nous dire merci. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Marionno. Cette année, vous allez adorer la rentrée chez Marionno. Profitez d'une remise exceptionnelle de 25% sur tous les parfums de grandes marques en magasin et sur marionno.com. Pas une minute à perdre, c'est vraiment le moment de se faire plaisir. Offre et conditions sur marionno.com. Marionno, la beauté qui me ressemble. En ce moment, c'est le happy 55e anniversaire Auchan. Anniversaire veut dire cadeau. D'ailleurs, j'ai entendu parler de voitures à gagner. Oh, ben dis donc, ça m'intéresse. Attends, écoute. Jusqu'au 13 septembre, Auchan fête son anniversaire et met 55 Renault Twingo en jeu. Alors tentez votre chance chez Auchan et dans les magasins à deux pas. 55 Renault Twingo à gagner? Super! Et 10 Renault Twingo de plus sont à gagner dans les magasins Simply Market. Auchan, la vie que j'aime. Jeu gratuit sans obligation d'achat pour l'ensemble des magasins et sites participants. Voir règlement sur Auchan.fr. Happy égale heureux. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a? La rentrée approche et j'ai rien à me mettre. Bah fais comme nous. Pour additionner look de ouf et nouveautés sans se ruiner, on va chez Célio. Regarde, en quelques clics, t'es branché sur leurs actus, les tendances et les bons plans. Tiens, en ce moment en magasin, avec l'offre 1 plus 1 égale 3, pour deux articles achetés, le troisième est offert. Pour deux articles achetés seulement, le troisième est offert? Eh ouais. Allez les gars, on fonce chez Célio. Voir conditions de l'offre en magasin ou sur Célio.com. Rejoignez-nous sur notre page Facebook. Géant. Ce sont toujours les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à dimanche dans votre Géant, bénéficiez d'une réduction de 40% sous forme de bon d'achat sur le PC Hewlett Packard, notebook 15 pouces, disque dur 1 Tera, 4 Go de RAM à 479€, soit un bon d'achat de 191,60€. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur l'ensemble du magasin du 5 au 11 septembre. Jusqu'à 9h. C'est Bruno dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. Restez sur Fun Radio les amis, dans quelques secondes je vous annonce des barres de rire. On disait voilà, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée de la flûte. Et on est tombé sur une nana qui fait des tutos de flûte, qui est persuadée qu'elle joue bien. Et c'est vrai, vous allez voir, elle peut jouer bien mais pas sur la totalité du morceau. Par exemple sur un classique, genre celui-ci. dit, ah, pas mal, bon anniversaire. Ah. Tu vois ? Et il y a toujours un moment où il y a un doigt qui foire. Ouais. Et enfin, sur tous les titres, je vous jure, il y en a un, je peux mourir de rire. On va faire un blind test à 32-28. Vous pouvez jouer avec nous en direct et je vais faire jouer l'équipe. C'est Fun Radio, bonne rentrée, jeudi 1er septembre aujourd'hui, mais ça passe mieux avec Fun. Et le son de la première radio dance floor, c'est Coldplay. J'essaie. Vas-y. Il y a un truc. Hein. Mais... Ah, j'ai plus de son qui sort. Vous écoutez Fun Radio 8h26. Wow. Sérieusement, il y a une casse qui vous manque ou quoi ? Bruno dans la radio. 6h-9h. On est tombé sur une nana qui fait des tutos de flûte. Ouais, je le dis parce que c'est vrai que la flûte, c'est le truc de rentrée. C'est comme le rapporteur, c'est des choses, tu t'en sers qu'à la rentrée, tu le mets dans le cartable quand t'es en 6ème, ça te sert plus après. Et donc, c'est une nana qui fait des morceaux. Je vous passe des extraits, vous essayez de deviner qui c'est, d'accord ? Ok. Vous me dites. Hein. Ouais, vous entendez derrière. Ouais. Est-ce qu'elle essaye de rejouer en fait sur le morceau ? C'est Uptown Funk. Oh là là. Et alors, ouais, tu sens le début. Alléluia. Ouais, c'est compliqué. Oh là là. Je vous en mets un autre ou pas ? Ouais, je bah vous en mets un autre. Tiens, et il y a Mika, il est à New York. Bonjour Mika. Salut Bruno, salut toute l'équipe de Fun. Tiens, Mika, salut. Écoute ça. Vous avez une idée ça ou pas ? Aucune idée. À Calvin Harris. À la flûte, ça donne moins. Ça donne moins bien, ouais, en effet. C'est pas tout à fait juste, quand même. Mais la meuf, elle est tellement dans son délire. L'hymne de la Champions League, les amis, vous voyez ce que c'est ? Oh là là. Oh, ça va être une catastrophe, ça. Oh non, non. Oh là là. Ça va être horrible, ça. Mickaël, accroche-toi. Accroche-toi à ton téléphone. Hymne de la Champions League. Imaginez, finale de la Ligue des Champions. Ok. Deux gigantesques équipes, face à face. Paris. Face à une autre. C'est mal barré, excuse-moi de te le dire. Et la nana arrive au milieu du stade. Ah non. Oh. Ça, ça fait finale Guingamp-Sochaux. Ah ouais. Les joueurs, ils sont dépités, là. C'est ça. On va te filer un agenda Fun Radio, Mickaël. Ah, c'est cool. Merci, bisous à vous tous. De rien, bisous, bisous, mon pote. Ah, je sais. C'est insupportable, là. C'est tout ce que je peux te dire. Go on. C'est vrai que ça casse les oreilles. T'as Jack qui se fout la flotte de lui-même. C'est ça. En fait, c'est en l'entendant jouer de la flûte qu'ils ont sabordé le Titanic. Bob Sinclair, ça arrive sur Fun Radio. Et puis le jeu des 30 secondes, là, juste après les infos. 32-28, à tout de suite. Salut, c'est JB. C'est Adrien Thomas. Sur Fun Radio à 19h, pas de blabla, on allume les platines et ça mixe en direct pendant une heure. Pour découvrir des nouveautés et des remixes exclusifs avant tout le monde. Rendez-vous ce soir à 19h dans le Before Party Fun sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Chez Intermarché, c'est reparti pour un tour avec le carburant à prix coûtant pour une rentrée qui roule jusqu'à samedi. Le carburant à prix coûtant, c'est chez Intermarché. Dépêchez-vous! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Attention, nouveau message de Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, wow, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec l'accès à des applis Android TV, oui, dont YouTube, oui, et Netflix. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. T'es... Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. La tablette MPMAN 8Go avec un super écran et deux caméras à moins de 50€ chez Leclerc. Du 30 août au 3 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est la tablette MPMAN de 8Go à 49,90€, dont 30 centimes d'éco-participation. Inutile de résister. Une tablette comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Ben Hur. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Ben Hur, un choc visuel, un spectacle total en 3D. Gagne la course, gagne notre liberté. Le 7 septembre au cinéma. Depuis quelques mois, ma consommation augmentait. Pourtant, je roule normalement. Vérifiez votre filtre à air. S'il est encrassé, ça peut expliquer votre consommation. C'est compliqué à changer, ça, non ? Il est très simple de le changer soi-même. Oscaro.com vous donne accès à toutes les références de filtre à air jusqu'à deux fois moins cher. Je me lance. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Tu sais Loïc, j'ai eu un déclic. J'ai acheté 30 secondes de pub sur Fun Radio pour ma petite start-up sans avenir, comme tu disais. Et déclic, j'en ai eu un max. J'ai triplé les commandes. Vous aussi, communiquez sur Fun Radio. Rendez-vous sur radiofacile.fr. Radiofacile.fr. Bougez pas, Bruno. Bon réveil la famille, c'est jeudi, c'est le 1er septembre, vous avez choisi Fun Radio pour votre rentrée, bon on va être là toute l'année pour vous accompagner au collège, au lycée, au taf, merci d'avoir choisi Fun, le jeu des 30 secondes arrive juste après les news. Fun Radio, le son, Fla. Regardez Maxime Poulaouek, regardez-le bien, il l'attend son générique. Non pas cette fois quand même. Ah bon, bah vu que tu le demandes pas, on va le remettre. Maxime Poulaouek. Poulaouek. Poulaouek. Les infos, Maxime Poulaouek, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Du bleu pour tout le monde, quelques nuages en manche pour la décoration, mais l'impression de beau temps dominera. Il fait 15 à 20 degrés ce matin dans l'après-midi sous le soleil. Comptez 22 à Quimper, 23 à Lille, 27 à Paris, et 30 à Lyon et Limoges, 31 à Perpignan. Ça y est, cette fois c'est l'heure, c'est la rentrée scolaire pour 12 millions d'élèves de maternelle, primaire, collège et lycée, un total de 64 000 établissements placés sous une vigilance renforcée face à la menace terroriste. Une bonne partie des réformes éducatives du quinquennat entre en vigueur à cette rentrée. 4 assassinats par balle au mois d'août dans les Bouches-du-Rhône, le dernier date d'hier soir. Un homme de 40 ans a été abattu dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne. Depuis le début de l'année, 22 personnes ont perdu la vie dans un règlement de compte dans les Bouches-du-Rhône. Elle entend concurrencer l'Apple Watch, la montre connectée de Samsung. La Gear S3 a été présentée hier soir au salon IFA de Berlin. Elle est déclinée en version sport et classiques. Parmi les nouveautés, un micro, un haut-parleur et le paiement sans contact. Son prix et la date de sortie ne sont pas encore connus. L'annonce intervient moins d'une semaine avant la fameuse conférence keynote d'Apple présentant le nouvel iPhone 7. Le football, les Bleus sont de retour sur les terrains pour le premier match depuis l'Euro. Un amical ce soir à Bari contre l'Italie, coup d'envoi à 21h. La France prépare les qualifications au Mondial 2018 qui débuteront mardi prochain en Biélorussie. Et puis vous l'entendez depuis cette nuit sur Fun Radio, le nouveau titre, ou plutôt la reprise des Black Eyed Peas de Where's the Love. Le groupe a décidé de réunir des artistes comme Justin Timberlake, Usher et Mary J. Blige pour lever des fonds en faveur des victimes de violences policières. 8h34, on retrouve toute l'équipe de Bruno dans la radio sur Fun. Les matins. C'est Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Jeudi, c'est le 1er septembre. Merci d'avoir choisi Fun Radio. Et on a ce qu'il faut là pour attaquer la journée. Si vous commencez là, le petit Bob Sinclair va vous faire plaisir. Someone within me. Up tempo avec Sigala aussi. Nouveau Sigala, Give Me Your Love. Découvert chez nous, ça donne ça à écouter. Et les Chainsmokers, nouveau Chainsmokers, vous l'avez entendu, plein de nouveaux rendez-vous dans l'émission ce matin. Et puis il y a des classiques, ceux qu'on garde parce qu'on sait que vous les aimez bien, comme la chanson du jour qu'on a eu tout à l'heure. On a eu un choc des générations aussi tout à l'heure, c'était à 7h15, on a eu un prof contre un élève, une prof d'anglais qui a battu l'élève d'ailleurs, pas à plat de couture mais enfin qui a gagné quand même sur l'ordinateur. Parmi les moments que vous aimez bien dans l'émission, il y a le moment happy. Petit moment de bonheur qu'on partage avec des auditeurs de Fun Radio pour suivre la pêche là en partant bosser. On en aura un tout à l'heure avec Mickaël de Niort. Mais pour l'instant on joue. L'essentiel est de ne pas paniquer. Wow. Le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Aline habite à Gardes, c'est dans le Var. Elle a 24 ans, elle est cuisinière. Applaudissements pour Aline. Salut toute la famille. Bonjour Aline, cuisinière dans quoi? Dans un restaurant? Dans une collectivité? Non, dans un resto. Dans un resto, très bien. Ça a coupé net, c'est-à-dire que quand j'ai dit le mot collectivité, boum, le coup de roue s'est arrêté derrière. Et quand tu es dans une collectivité, ils n'aiment pas le coup de roue, je peux te le dire. Aline, tu bosses aujourd'hui? Ce soir, ouais. D'accord, tu fais quoi à manger ce soir? D'accord. Un peu de tout, quoi. Motivation. Motivation quand tu nous tiens. Toi, tu vas te retrouver avec Philippe et Chebest au cul. Je t'appelle d'air. Esteban Chou, face à toi. Il a 29 ans. Il est à Angers, responsable qualité dans la métallurgie. Applaudissements pour Esteban. Salut la famille. Salut à tous. Bienvenue sur Fun Radio, Esteban. Merci Bruno. Esteban, Aline, vous jouez ce matin pour repartir avec un iPad Air 2 à l'occasion de la sortie en DVD du film Fun Radio Le Chasseur et La Reine des Glaces avec Chris Hemsworth, Charlize Theron et Jessica Chastain. Alors, Aline et Esteban, il va falloir choisir quelqu'un de l'équipe qui va tenter de vous faire deviner un maximum de mots en 30 secondes. Le gagnant pour l'instant d'hier et d'avant-hier, deux victoires au compteur, c'est Vaché. Il rejoue donc, et c'est la nouvelle règle, automatiquement aujourd'hui. Bonjour. Qui veut jouer avec Vaché? Moi je veux jouer avec Vaché parce que je suis sûr que c'est le meilleur. J'ai confiance en Vaché. Esteban va tenter avec Vaché d'obtenir une troisième victoire. Merci Esteb. Aline, avec qui tu veux jouer? Avec Bruno. Oh là là. Allez Bruno là. Aucune chance. Et Esteban, tu sais quoi? T'as raison de te chauffer. Tu vas commencer avec le champion en titre. Vaché, le chrono se lance au moment où on te donne la liste de mots. Il ne les connaît pas les mots, Esteban. À toi de les deviner. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est bon. Top chrono, c'est parti. Alors, c'est pas l'après-midi, mais c'est plutôt le matin. Ouais. C'est un sport qui se joue avec une balle, Federer, tout ça, c'est du tennis. Ouais. Après l'entrée et le plat, il y a le dessert. Ouais. Du foot ou du rugby, ça se joue dans un grand stade. Ouais. La Belgique, elle est connue pour ses bonnes, ça se mange. Oui. Ouais. C'est pas carré, c'est rond. Ouais. Quand tu vas faire pipi, c'est pour te ça me... Ouais, je crois que tu l'as dit. C'est l'Angleterre, c'est là. Ah, j'étais tellement. Oh, il est chaud. Ah, c'était super, Vacher. Tellement surpris bon. Qu'il ait dit soulagé. C'était Grande-Bretagne que je voulais faire dire. 7 points pour Vacher. Wow. Et Stéphane. Oh là là, c'est impossible. Oh là là. Alors, hey, Aline, 7 bonnes réponses. On est sur du high level. Regarde, c'est un truc de con là. Mais quoi, j'ai fait une tête de con. Vas-y. Bruno, tue-le là, vas-y. Aline, il faut qu'on soit en Bluetooth. Parce que là, 7 bonnes réponses, faut pas que t'hésites. Alors là, faut y aller là. Et j'ai pas le droit de passer, donc faut que tu ailles du tac au tac. T'es prête? Allez, c'est bon. Top chrono, c'est parti. Pour faire des trous, on utilise une. Perceuse. Voilà, c'est comme un bouton qu'on n'arrive pas à enlever sous le pied. C'est une grosse. Verrue. Ouais. Pour faire pousser des plantes, on met deux. L'engrais ? Ouais. Quand on était petit, c'était rond, on jouait au. J'ai pas compris. Quand on était petit, c'était rond, on jouait au. Au foot ? Non, au c'est des petites, des toutes petites, ça peut être en vert. Oui, très bien. Quand on tape, on n'a pas envie de faire quelque chose, on dit j'ai la. Flemme ? Ouais. C'est un oiseau de la liberté, c'est là ? Colombe ! Ah putain de merde, de chier ! Même là, t'étais à 6. Pourquoi tu es si vulgaire, Bruno ? Je suis désolé, ça m'énerve ! Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive, Bruno ? J'ai pas suivi. Merde ! Khalil, on était pas loin. Oh putain ! Ouais, bah, bon, on a eu notre quota de. Ouais, c'est bon. Arrêtez là. Aline, je suis désolé. C'est Esteban qui gagne. Oh là là. Merci, Khalil ! Bravo ! Et une troisième victoire pour Vacher d'affilée. Ah, c'est incroyable. Je voulais remercier ma famille, tous ceux qui ont cru en moi, qui savaient que je reviendrais un jour. C'est le comeback. Et Vacher qui va remettre sa victoire en jeu demain. Yes. Et Esteban qui repart avec un iPad Air 2. Merci beaucoup, merci Bruno, c'est super. On t'embrasse mon pote. Aline, on t'offre l'agenda Fun Radio, d'accord ma belle? D'accord, super, merci. On te fait des bisous, elle est un peu déçue, c'est vrai. Ouais, pourtant j'étais... T'étais bien parti. Ouais, j'étais bien parti. Franchement, ouais, tu t'es bien débrouillé, hein, Bruno. Arrête. Non, regarde, alors, tu sais quoi? Je veux pas de ta pitié, mec. Tout sauf ta pitié. C'était pas mal, franchement, tu m'as surpris sur Bruno. Arrête. Bob Sinclair sur Fun Radio, tout de suite. Le petit Bob Sinclair qui fait plaisir pour attaquer cette journée. Someone who needs me. Il y a du moment qui arrive dans quelques secondes. Du moment happy avec Mika sur Fun Radio. A tout de suite. Partez faire la fête pour l'événement électro de la rentrée. Inox. L'Inox Park avec Fun Radio. Inox, put your hands on. Dès que vous entendez le double fun avec les tubes de Don Diablo. Mixé à Nils Van Zandt. It's Nils Van Zandt on Fun Radio. Fun. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos invitations avec transport et hébergement à l'Inox Park. Le 3 septembre. Sur l'île des impressionnistes de Chatou. Avec en DJ set. Nervo. Don Diablo. Nils Van Zandt. Chucky. Tujamo. Et bien d'autres. Prêt pour le grand voyage ?

On est l'archi-élite de l'élite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Bon réveil la famille, c'est Fun Radio. Jeudi, c'est le 1er septembre. Voilà, c'est le jour de la rentrée. On vous saoule un peu avec ça. C'est le premier jour. Surtout qu'il y a des gens qui sont en train de mettre la tannée à plein d'autres sur Twitter en mode « je rentre demain ». Ou même des gens qui sont en fac, qui postent des photos, jouent avec le hashtag qu'on a lancé hein, aujourd'hui. Tu sais que c'est la rentrée quand, qui est partie de Fun Radio à 6h, et qui mettent des fichiers de ça en mode « je suis étendu sur le canapé, ma rentrée c'est dans un mois ». Ça va, c'est cool. Bah oui, bien sûr, c'est ta rentrée à la fac, t'es un peu cool. Hashtag tu sais que c'est la rentrée quand, il y en a tout plein qui arrivent sur Twitter. Et alors, il y en a avec la rentrée, puis d'autres avec la rentrée du foot. Il y a LP qui met « hashtag tu sais que c'est la rentrée quand, l'Olympique Lyonnais a encore fait un mercato de merde ». Elodie qui dit « tu sais que c'est la rentrée quand toutes tes copines postent des photos de leur enfant en cartable avec mon bouffe et sa rentrée. » Hashtag, ah bah hashtag oui. Trentenaire. Oui, c'est vrai. Mais ah, oui, ça... mais bon courage à toutes ces mamans. C'est pas facile la rentrée. Mais évidemment, moi j'ai une pensée pour bah, les gens qui font de la radio, qui peuvent pas accompagner leurs enfants à l'école. Voilà, moi je vis ça depuis que je suis tout petit. Ouais, oui. Voilà, il y a Mika du JPI. Mika, il a sa petite Thelma qui fait sa rentrée mais aujourd'hui. Oui. Mais ouais, à 9h, je l'aime très fort. Voilà. Oh, c'est mignon. Rentrée, ouais. Bah, en même temps, égoïstement, moi, elle l'a fait que l'année prochaine. Mais je sais pas si je voudrais assister à ça, parce que je crois que je serais pas capable d'y assister. Mais attends, et comment tu vas faire, toi? Parce que du coup, toi, bon, voilà, elle a une petite fille, Christina, pour ceux qui nous écoutent ce matin. Et le père de la petite fille, c'est Anthony Vosovic, qui bosse dans l'équipe aussi du JPI. Donc en fait, c'est le seul enfant qui va partir tout seul à l'école à 2 ans et demi. Bah, exactement, mais elle est déjà très autonome. Ah, cool. Peut-être si l'école est pas trop loin, vous pouvez tendre un gros fil, genre une pelote et de laine. Pas là-dedans, de t'apporter. Ah non, non, non, tu pars dans quoi là? Humour absurde, d'accord. Ouais. J'ai essayé d'autres sortes d'humour l'année dernière, alors. Ouais. Donc, du coup, tu prends le fil, tu l'accroches à la poignée de ta porte d'entrée, ouais. Et tu vas l'accrocher à la poignée de l'école. Hein, ouais. Et donc, toi, Elias, arrête, je vais te taper. Mika Agnor, bonjour Mika. Salut la famille. Mika, tu es notre moment happy de la rentrée. Voilà, on essaye de partager des moments de joie avec la famille Fun Radio parce qu'on se dit que quand quelqu'un est heureux, bah tout le monde est heureux. Et là, il faut que ce soit un gros moment de joie parce qu'on a un jour de rentrée. Les gens ont vraiment envie d'être heureux. Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah en fait, ça fait ma maman que j'aime beaucoup a malheureusement toute sa vie un peu galéré niveau taf. Ouais. Et elle travaille dans la restauration en tant que serveuse depuis une vingtaine d'années. Ouais. Et il y a quelques mois, je lui ai proposé qu'on parte sur un projet de création d'un restaurant à Niort. Ouais. Et ça va se faire. J'ai reçu le cabis, tout est prêt et on ouvre le 12 septembre. Oh, ah, super! Félicitations! Alors, donc en fait, tu ouvres un resto pour ta mère. Exactement. Putain, c'est classe! Après, ça va juste te mettre un peu mal à l'aise quand il y a un client qui va dire « Elle est bonne, la serveuse !» Ouais, c'est ma mère. Mais alors, et t'as le nom du restaurant, t'as tout ça ou pas encore? Oui, oui, ça va s'appeler le restaurant Les Briseaux. Restaurant des Briseaux, à Niort, oui. Ça va être où, oui. À Niort? C'est Route de Parthenay. D'accord, ok. Bah, et tu sais quoi, le jour de l'ouverture, donc c'est le 12 septembre, tu nous rappelles et on te fait un petit coup de pub? Ah bah super, avec plaisir. Bah ou sinon on décroche jamais et on t'aura fait un beau coup de pute. Non mais sérieux, on fait ça, d'accord Mika? Pardon? On fait ça, d'accord mon pote? Ah bah avec grand plaisir, grand plaisir. Je veux t'entendre crier, je suis heureux. Je suis heureux. Le nouveau Sigala, il est déjà chez nous. Give me your love, ça arrive sur Fun Radio. Dans le prochain quart d'heure, on aura le top 3 d'Eliott. Les 3 meilleurs moments de l'émission, ça arrive. C'est juste après 9h du matin. Le JPI qui s'annonce. Et pour l'instant, Sigala, give me your love, c'est sur Fun. I may be selfish, but I take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. Your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah, oh yeah. Give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah. You know all the other men, baby, they won't treat you like I could. Stop your searching around. I can't do this anymore. So give me your love. Sur Fun Radio, Give Me Your Love. Aujourd'hui, journée spéciale, journée de rentrée. L'équipe du JPI, on est prêt? Oui. On se prépare? Petit coup de fil avant, quand même, rapide. Allô fait. Clara? Ouais. Bon, est-ce que tu peux. C'est Clara, c'est la chérie de Mika du JPI. Salut chérie. Oui. Coucou. Salut. On peut avoir tellement vite fait avant qu'elle rentre oui, ou pas? Je vous la passe. Je vous la passe. Bisous Clara. Allô, c'est Sam. Allô, Thelma? Bonjour. Ma puce, Thelma. Allô? Allô? C'est... Mais elle a 16 ans, ta fille? Là, elle en a 3, hein, les gars, vous emballez pas. Hein. Elle a dit allô, elle a dit allô. Ah. Vous avez fait lui un bisou en direct. Je crois qu'elle ne va pas parler de la journée à l'école. Bon. Fais-lui un bisou, fais-lui un bisou. Ma puce, je t'aime très fort, sois sage. Un doudou. Allez, occupé, en fait. Vous l'avez rangé. Bonne rentrée, Thelma. Et tu pleures pas. Non, écoute, je suis déjà en train de pleurer, mais tout va bien. Allez, courage. La maman pleure toujours. Clara, je te fais des bisous. Merci. Allez, bisous, chérie. Bisous. Petite surprise, il n'avait pas prévu. Il n'avait pas prévu, Mika. Mais alors, il n'y en a rien à foutre, il ne chiale pas. À se demander si c'est ta fille. Fun Radio. Mais c'est ça la famille, voilà, on vous dit que tous les matins c'est la famille Fun Radio, on vous fait partager un peu notre vie. Mika, il avait un peu les boules ce matin en arrivant au bureau, non merde, je peux pas aller à la rentrée de ma fille. Non mais je crois que je préfère finalement, comme ça je la vois pas pleurer, c'est cool. Ouais. Mais bien sûr, tu vas voir. C'est mieux. Tu vois, tu vas pas avoir ses premiers flirts et tout. Enfin, ah voilà, non, on parle pas de ça. Ouais. Elle a 3 ans. Ouais, un flirt à 3 ans, c'est chelou. Tu l'as pas inscrite au catéchisme. Ça risque rien. Le JPI, c'est le journal pour une image. C'est le faux journal de l'émission. C'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Aujourd'hui, c'est la Saint-Gilles. Et dommage qu'on ne soit pas la Saint-Monique. J'avais une bonne vanne. Rentrée, aujourd'hui c'est la rentrée scolaire et si vous venez de vous lever, sachez qu'il vous reste 10 minutes pour prendre une douche, un petit déjeuner, faire votre trajet en bus et trouver votre classe. Ça va, vous êtes large. Pokémon, en ce jour de rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a confirmé sa volonté d'interdire les Pokémon rares dans les collèges et les lycées. C'est con, ça aurait enfin donné une bonne raison aux élèves de courir pendant les cours de PS. Aujourd'hui c'est donc la rentrée des classes. Anthony Vosovic qui est parti enquêter. Anthony ? Oui, tout à fait, je suis justement devant l'école avec mon fils. C'est un jour très important, je pouvais rater ça pour rien au monde. Ah, c'est trop mignon d'accompagner votre fils, Anthony. Ah non, mais je m'en tape de mon gosse. Je suis là pour repérer les mamans bonasses et voir si ça vaut le coup de l'amener le matin cette année ou pas. Il n'y a pas à dire, vous êtes vraiment un père modèle, Anthony. Et pour finir, si vous aimez les anciens ministres et les émissions de la TNT, découvrez les Macron du cœur. Voilà, c'est la fin du JPI. Demain, nous serons demain. Alors à demain. Ouais, et là il y a des gens qui disent ils reviennent aussi pour la rentrée. Ouais. On aurait peut-être dû laisser Mika aller accompagner sa fille. Et qu'exceptionnellement Karina l'aurait suivi. Tu vois, en soutien. Tu vois, j'avais pas eu la bonne idée. Chainsmokers sur Fun Radio. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car in 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar in. Sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Chainsmokers sur Fun Radio, il y a le top 3 d'Eliott qui arrive dans quelques secondes, il y a le nouveau Kungs. Vous écoutez Fun, on revient après les news. Salut, c'est JB, c'est Adrien Thomas. Tous les soirs à 19h, on se retrouve ensemble sur Fun Radio pour le Before Party Fun. Le Before Party Fun, c'est une heure de nouveautés, de remix exclusifs de vos tubes préférés. Et surtout, je mixe en direct. Alors on allume les platines à 19h et à ce soir dans le Before Party Fun. Sur Fun Radio. Chez Intermarché, c'est reparti pour un tour avec le carburant à prix coûtant pour une rentrée qui roule jusqu'à samedi. Le carburant à prix coûtant, c'est chez Intermarché. Dépêchez-vous! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité magasin participant sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Dis donc, la rentrée est à moins 50% chez But. Mais ils font pas les choses à moitié. Je viens de te dire le contraire, elle est à moins 50% la rentrée. Non mais c'est une expression, c'est comme couper les cheveux en quatre. C'est pas une expression, c'est mathématique. C'est la rentrée no stress chez But. En ce moment, profitez de moins 50% sur de nombreux produits. Oui, jusqu'à moins 50%. But, c'est nous. Produits et réductions signalés en magasin et sur but.fr. Bonne année scolaire avec Carrefour. Maman, j'ai une super nouvelle. Ah, alors laisse-moi deviner, t'as déjà eu un 20 en maths ? Non, pas encore. Mais ma bonne nouvelle, c'est que chez Carrefour, pour la rentrée, jusqu'à lundi, pour deux paquets de Kinder Bueno achetés, le troisième est gratuit. Alors ? Alors, t'es un petit génie, toi ! Pour une bonne année scolaire avec Carrefour, jusqu'à lundi, pour deux paquets de Kinder Bueno achetés, le troisième est gratuit. Et c'est aussi valable sur d'autres produits. Paquet de 12 fois 2 barres. Pour votre santé, bougez plus. Carrefour. Kiabi colore la vie. Avant Kiabi, Abby et ses enfants sans se ruiner pour la rentrée, c'était carrément une mission impossible. Mais maintenant, avec Kiabi, vous avez des looks mode pratiques et colorés, filles ou garçons, à partir de 10 euros le haut plus le bas. Oui, à partir de 10 euros le haut plus le bas. Du 29 août au 13 septembre, offre hors accessoires et chaussures, conditions magasins et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Bougez pas, Bruno. Vous restez sur Fun Radio, dans quelques secondes, le top 3 d'Eliott, les 3 meilleurs moments de l'émission compilés par Eliott juste après les news. Fun Radio, le son Dance Floor. Justine Salmon n'est plus là, il l'a remplacée avec brio, il s'agit de Maxime Poulaouec. Bravo. Beaucoup moins de seins, mais du talent quand même, voilà, le talent est là, quoi qu'il arrive. Mais moins de seins quand même. Un peu moins, ouais. Bonjour Maxime. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Le temps pour la rentrée des classes, du soleil partout, il fera très beau aujourd'hui. Jusqu'à dimanche d'ailleurs, les températures au lever du jour, 15 à 20 degrés dans l'après-midi, comptez 18 à Cherbourg, 23 à Lille, 24 à Biarritz, 27 à Paris, 28 à Tours, 30 à Lyon et 31 à Perpignan. Fini les grasses matinées, l'heure de la rentrée scolaire a sonné. 12 millions d'élèves font leur retour sur les bancs de l'école aujourd'hui. Une rentrée marquée par la mise en place des réformes éducatives du quinquennat. À 8 mois de la présidentielle, François Hollande est en déplacement dans une école à Orléans. Les 64 000 établissements scolaires sont placés sous une vigilance renforcée face à la menace terroriste. Emmanuel Macron prend le risque. L'ex-ministre de l'économie se confie ce matin dans le journal Ouest France et il justifie son choix au nom de la cohérence et verra en temps voulu la question de sa candidature à la présidentielle de 2017. Une première depuis à plus de 50 ans, le premier vol régulier a eu lieu hier entre les États-Unis et Cuba sur l'île caribéenne. La passerelle marque une nouvelle étape importante dans le rapprochement entre les deux anciens ennemis de la guerre froide. Le foot, premier match post-euro pour l'équipe de France de Didier Deschamps. Les Bleus affrontent l'Italie ce soir à Bari à 21h. Un match amical pour préparer les éliminatoires du Mondial 2018 qui commenceront le 6 septembre en Biélorussie. Côté mercato, la Ligue 1 gagne une star mais en perd une autre. L'Italien Mario Balotelli s'est engagé à Nice sous la forme d'un transfert gratuit. David Luiz quitte quant à lui le PSG et retourne à Chelsea contre 30 millions d'euros. Les Black Eyed Peas de retour sur Fun Radio. Le groupe revient avec sa reprise de Where's the Love pour lever des fonds en faveur des victimes de violences policières. Plusieurs artistes ont décidé de se joindre, Justin Timberlake ou encore Usher. Il est 9h03, vous êtes sur Fun. on Fun Radio. 9h04, c'est Fun Radio, vous écoutez. Bonjour! La première radio dancefloor de France, Fun Radio, va vous réveiller tous les matins, les amis. Avec le son qui fait bouger le monde entier, Kungs. Dans la demi-heure, il y aura du Snake. Avec Talk et puis Maître Gims. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. On a les meilleurs auditeurs du monde. Voilà, il faut le dire. Ce matin, nous avons lancé à 6h pile le hashtag. Tu sais que c'est la rentrée quand? Et à 6h10, ça a été le sujet dont on parlait le plus sur Twitter, le numéro 1 TT France. Et c'est le cas depuis 6h du matin, ça n'a pas bougé avec ces phrases que vous balancez qui me font marrer hein, depuis ce matin. Il y a Ben qui dit: tu sais que c'est la rentrée quand tu te réveilles pour voir tes petits frères partir avant d'aller te recoucher. Ouais, j'aime bien ce délire. Elisabeth aussi qui est super motivée, qui dit: tu sais que c'est la rentrée quand tu as dormi seulement une heure, que tu tombes trois fois avant d'atteindre la cuisine et que tu roules jusqu'à la salle de bain. C'est vrai, mais elle l'a pas mis sur Twitter parce qu'il y a plus de 140 caractères. Ah si, elle a mis sur Twitter. Attends, elle a de la chance, il y a des fautes. Vas-y, je vais les recompter. Il y a Sébastien qui dit: tu sais que c'est la rentrée quand tu croises les profs de techno à 7h au bistrot déjà à la bière. Trop fort. Tu sais que c'est la rentrée quand tu regardes ton calendrier pour compter les jours jusqu'aux prochaines vacances. Bon déjà, et rassurez-vous, normalement il y a une grève des profs la semaine prochaine. Déjà. Axel qui dit: tu sais que c'est la rentrée quand tu n'as pas écrit pendant 2 mois et que ton écriture est dégueulasse à la rentrée. Ah c'est vrai. C'est ça. Vrai. Tu sais plus trop. Tu sais même pas si tu sais écrire en fait. Ouais. Et tu sais, tu vas récupérer. Tu sais que c'est la rentrée quand tu récupères la boule du stylo. Sur ton doigt, vous avez pas la boule du stylo? Ah non. Oui, du bic. Ouais, tu l'écrases sur une feuille surtout. Moi, c'est ce que je fais. Ah bon? J'écrase, je fais un gros truc sur une feuille pendant. Mais je crois qu'il la met plus la boule maintenant. Non, mais la boule que t'avais sur le doigt. Je la parle boule. Pas de la boule du stylo. Ah. Moi, c'est quand à force d'écrire, là ici sur le majeur. Tu le vois, truc le majeur, des bons élèves. C'est comme j'appuyais fort, ça me faisait une boule moi sur non, le mais doigt. Bruno, ils écrivent plus assez aujourd'hui, je crois pour ça. T'as toutes les tablettes et oui, tout mais en cours. Tu sais, Bruno, c'est à l'époque où ils écrivaient encore avec la plume et l'encrier. mais durait des heures et des heures parce que déjà il arrivait en charrette. Je crois c'était hyper long. C'était pas la plume, c'était tu sais les trucs comme dans les 10 commandements là, c'était la pierre avec les. Ah les oui, c'est ça, c'est le granit. Non, voilà. Ça c'est quand il était en 6e. Parce qu'ils avaient, ouais, ils avaient évolué. Mais c'était combien les cours? Parce que t'étais en école privée, c'était combien en Louis d'Or? Moi, j'ai eu la chance d'aller à une école où c'était pas facile l'école, les amis. Parce que moi, je partais à pied dans la froidure du matin. Oh. Et je risquais de me faire attaquer par les loups. Mais qu'à cela ne tienne, je voulais pouvoir parler, je voulais pouvoir pratiquer la France et la langue de Molière. Alors je partais à l'école, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et j'allais prendre ces cours qui m'ont permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Entouré de connards qui écrivent et qui disent « vous faisiez » comme Elliot, par exemple. Vous faisiez quoi hier? Voilà, de gens qui te situent géographiquement Hong Kong, près de l'Espagne. Voilà, et d'une nana qui, comme personnage connu, ne connaît ni Champollion, ni Lénine, mais Justin Bieber ou encore Justin Timberlake. En même temps, les CD de Champollion, ils étaient pas ouf. C'est qui celui-là? C'est le top 3 d'Eliott. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Top gracias mucho. Les 3 meilleurs moments de l'émission compilés par Eliott, c'est le top 3. Numéro 3. Je connais bien le frère de Champollion, Champotigre. Allez, on se dit pour le numéro 3. Mesdames, messieurs, après cette super blague. Oui, on est le 1er septembre et j'ai déjà envie de le frapper très très fort. Parce que tu sais, dans les rendez-vous qu'on s'était dit, on les garde ou pas, ouais. Le top 3 d'Eliott, il y a une longue hésitation. Ouais, je comprends maintenant. Et après, on s'est dit peut-être qu'on va quand même lui laisser pour qu'il ait un truc. On peut demander à Chapeau Guépard, le frère de Chapeau. Ah non, mais arrête. C'est pas Chapeau, c'était Champon. Ouais, mais j'ai déjà oublié. Bon, numéro 3, c'est quoi? Numéro 3, c'est un extrait du Vacher Time. Il est revenu en force pour ce jour de la rentrée. Est-ce que tu peux nous rappeler le principe Vacher de ce que tu as fait aujourd'hui? Ouais, j'ai appelé des gens au hasard et en fait, je répétais tout simplement ce qu'ils disaient. T'as un Champeau Tigre, un Champeau Perroquet, pardon, qui répète tout. Et donc, ça donnait ça. Allez, rediffuse un extrait. Qui c'est? Hein? C'est pas si ça, là. C'est qui? Eh bon, c'est pas si ça, là. C'est qui? Bon, écoute, c'est Jean qu'on connaît. Non. Allô? Bon, écoute, c'est Jean qu'on connaît. Non. Allô? Va te faire foutre. Va te faire foutre. Allô? Allô? Oui, j'écoute. Oui, j'écoute. Allô, qui c'est? Allô, qui c'est? Qui c'est toi? Qui c'est toi? Ouais, dis-moi, tu sais qui là? Ouais, dis-moi, tu sais qui là? Qui c'est qui là? Qui c'est qui là? Qui c'est qui là? Qui c'est qui là? Qui c'est qui là? Qui c'est qui là? Oh, dis-moi, trop du cul. Qui c'est qui là? Qui c'est qui là? Qui c'est qui là? Qui c'est qui là? Qui c'est qui là? Écoute-moi bien, tu me casses pas les couilles. faut la sortir en single, moi, chouchou. Ça peut marcher, ouais. Numéro 2. Ce matin, Bruno, c'était la rentrée des classes et c'était aussi la grande rentrée de Teddy. Teddy l'Américain, qui vient régulièrement dans cette émission. On l'a eu tous les jours, hein, depuis lundi. Hein. Teddy, il était tellement content, il est fermier dans le Kentucky. Quand il peut capter Fun Radio, il est content de nous écouter. Hein. Oui, il est arrivé quand on parlait des factures, écoutez. Mais est-ce qu'on peut se faire payer ces factures même si on nous écoute à l'étranger, par exemple, via funradio.fr, il n'y a pas de souci? Non, bien sûr. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, je pense à Teddy, ce fermier dans le Kentucky qui nous écoute à l'intérieur de sa moissonneuse-batteuse. Savoir que lui aussi va pouvoir se faire payer ses factures, je pense que ça va lui faire plaisir. Je l'imagine déjà en train de dire... J'ai entendu Bruno payer les factures, même aux États-Unis. Moi, j'ai toujours plein de factures avec ma famille. Ça me rend heureux de savoir que je vais pouvoir me faire rembourser. Oh my God, your dick is a monster. Et là, je me dis, oh là là, mais cette facture est tellement grosse en plus. I'm hungry. Il est bête. J'avais lâché le hungry de la fin. Excuse-moi. Numéro 1. Bruno, tu as de multiples talents. Oui. On n'aurait pas le temps de tous les citer. Hein, on finira à 23h. C'est bien, flatte-moi un peu. Oui, c'est ce que je fais, je me rattrape. Et tu en as un qu'on a découvert ce matin. Ah bah voilà, c'est celui-là. T'es en train de jouer derrière de la flûte. Ouais. Mais t'as mis quel extrait de la flûte? Le moment où j'ai joué de la flûte? Oui, le moment où tu as joué de la flûte. Je crois que la France doit réentendre ça. Bien sûr. Avec cette fameuse flûte du bureau. Réécoutez. Attends, il n'y a que moi qui faisais des notes improbables avec la flûte, genre. En tout cas, il n'y a que toi qui dis improbable. C'est vrai. Oh, il y a la flûte, elle arrive derrière toi. Qu'est-ce qu'on en fait? Ah non, moi je la touche pas. C'est comme celle qu'on prêtait en cours. Elle a trop servi, trop de bouche passée dessus. Oh, et pas là. Que. Non, je ressens l'embout. Non, c'est passé, je pense. Vas-y. Attention. C'est pas mal. De tête. Mais alors, attends, explique-moi un truc. À quoi ça te sert après dans la vie? À rien du tout, vraiment. À rien. Autant ton pote qui joue de la guitare et qui, sur le bord d'une plage, l'été, commence à faire un petit peu de grattage et il chante un truc, genre... Il est sûr d'aller niquer à la fin. Autant toi, t'arrives et tu joues, j'ai du bon tabac dans ma tabatière. T'es content d'avoir une flûte pour aller dormir. J'ai encore l'image de toi sur la plage en slip de bain. Je t'imagine en slip de bain. Ouais, on était dans les années 60. Et je rigole, dans les années 70. Et je peux peut-être le refaire plus vite maintenant que j'ai échappé le truc. Ah ouais, peut-être pas. Ouais, je peux le faire sans m'arrêter même. Non. Non, c'est bon, bien. Non. Ouais, c'était un test. Ouais, tu sais quoi, c'était un test. Ouais. Tu peux marcher sur la flûte. La prochaine fois, fais-le chez toi. Hein. Et t'emmerde pas. Hein, peut-être tu peux jouer les jingles dans le générique que t'as essayé. Bruno dans la radio. Ouais. C'est facile ça. En fait, je me sers de la flûte comme d'un gazou. C'est bon, allez, hop, on s'en va. Allez, c'est parti. Le roi. Excusez-moi, est-ce que tu t'es trompé? Tu voulais dire kazou et pas gazou, non? Ouais, kazou, ça va. On a compris. Ouais. Kazou, c'est pareil, c'est du kazou. Gloire au châtelain! Ça fait un peu entrer dans le château avec la flûte. Bonjour les amis, comment ça va? Mais ça va, mon Mika. Mika, vous accompagnez jusqu'à midi. Tu sais jouer de la flûte, toi, ou pas? Ah, mais moi, ma mère me demandait de réciter chaque soir les trucs de flûte, si tu veux. Ah bon? Mais ouais, non, mais moi, c'était... ma mère, elle était comme une dingue. Les cours, tout ça, il fallait que tout soit carré et tout. Mais réciter des trucs de flûte, mec. Non, mais autant réciter les cours, les maths, tout ça. Je comprends les tables de multiplication, mais tu vas me réciter ta flûte. Je suis sûre que tu as fait du solfège. Ouais. Moi j'ai mon oncle qui me disait il faut que tu me montes ta petite flûte. Mais c'est pas pareil. C'était autre chose. Mais tu rigoles, mais j'ai fait du solfège. J'ai fait un peu de guitare et tout machin. Mais ça m'avait saoulé, hein, tu vois. Mais... Il avait soufflé dedans une fois. Oh, c'est ça. Tu veux dire ton oncle? Tu parles de ton oncle tout à l'heure? Il est temps que je rentre chez moi. Alors que moi j'ai mon oncle à moi qui s'était, une vraie histoire, qui s'était fait mordre le kiki par un chien. Ouais. Et il était conscient de savoir jouer de la flûte pour pouvoir faire pipi sans s'arroser le visage par contre. Non mais vous partez loin les amis. Mais moi vraiment je devais aller à la maison et je devais réciter. Mais non, mais Lucas, c'est parce qu'on s'en fout. Ouais, mais il y a un moment. Moi à ce moment là je vais acheter une répartie et puis je reviens. On fait comme ça. Allez, salut, hein. Les amis, Mika vous accompagne jusqu'à midi. On vous fait des bisous les fionfions. Passez une belle journée. On sera là de retour dès demain. Et merci pour le Top Tweet France. Vous avez été des bombes. On vous embrasse. Tout ce qui s'est passé ce matin, c'est sur l'appli. Vous pouvez la télécharger, l'appli Bruno dans la radio, et réécouter toute l'émission sans les pubs, sans la musique. Le problème, c'est qu'il faudrait que tu me préviennes quand tu clashes, Vaché. D'accord. Comme ça, tu vois, genre préviens-moi maintenant pour demain. Ouais. Et comme ça, je prépare un peu la vanne que je pourrais te faire. Parce que toi, t'es bon dans la vanne, moi pas trop. Ouais. Ok, on s'en fout. Allez, voici Kungs pour attaquer le 9-12. Bisous, la famille. Ça marche. Vous voulez pas lui carrer dans les fesses, ça flûte. Vu l'odeur, elles ont déjà été dans cette vanne. I'm gonna rock your back, take it next door. Gonna rock your back, don't you didn't know. I'm gonna rock your back, take it next door. Gonna rock your back, don't you know. Merci à vous tous d'avoir choisi Fun Radio. J'ai emprunté la flûte à bec de Bruno. Attendez, je m'y essaye. Ouais. Allez, on enchaîne, c'est chiant. Fun Radio. Fun. Fun Radio. Les souvenirs de flûte à bec, les amis. Bonne rentrée à vous tous, à tous les étudiants. Bon courage. Sur Fun Radio, plus de 40 minutes de son dance floor non-stop. C'est ce qui va arriver dans quelques secondes. DJ Snake, DJ 100% Fun Radio. Et puis Jonas Blue pour attaquer le 9-12. Je m'appelle Mika. Bonjour à tous. Bienvenue chez vous à la maison. Fun Radio présente l'Inox Park sur l'île des impressionnistes de Chatou. Samedi, à partir de 16h. Fun Radio vous fait vivre l'événement. En direct avec JB, Mika, Adrien Thomas et Miko C. Retrouvez les interviews et les mix des plus grands DJ de la planète avec Nervo, Don Diablo, WNW. Hi, it's Chucky. Tujamo. Salut les Space Invaders, c'est Joachim Garraud. Et beaucoup d'autres. Inox Park. L'Inox Park. En direct de l'île des impressionnistes de Chatou. C'est exclusivement avec Fun Radio. Prêt pour le grand voyage? Les sons Dance Floor. C'est la rentrée No Stress chez But. En ce moment, profitez de moins 50% sur de nombreux produits. Oui, jusqu'à moins 50%. But, c'est nous. Produits et réductions signalés en magasin et sur but.fr. Bon, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? La rentrée approche et j'ai rien à me mettre. Bah, fais comme nous. Pour additionner look de ouf et nouveauté sans se ruiner, on va chez Célio. Regarde, en quelques clics, t'es branché sur leurs actus, les tendances et les bons plans. Tiens, en ce moment, en magasin, avec l'offre 1 plus 1 égale 3, pour deux articles achetés, le troisième est offert. Pour deux articles achetés seulement, le troisième est offert? Eh ouais. Allez les gars, on fonce chez Célio. Voir conditions de l'offre en magasin ou sur celio.com. Rejoignez-nous sur notre page Facebook.

feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with you. Who knows the secret tomorrow will hold?